show you how to use it. Come along with me and put your mind at ease. Less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more fun, a little less fun. A little less fun, a little more fun. I know you're gonna open up your heart and make it satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Eh bien bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle Radar du Sport sur Arc-en-Ciel. Il est 21h35, 36 maintenant. Et on est ensemble pendant 2 heures pour ce nouveau numéro de la Radar sur Arc-en-Ciel 96.2. Et ce soir je ne suis pas tout seul puisque je suis accompagné de deux personnes qui sont en face, bien sûr que vous connaissez ici dans l'émission. Sylvain qui a l'habitude d'être plutôt par téléphone d'habitude, mais qui ce soir est avec nous en studio. Salut Sylvain. Salut Rémi. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Bah parfait, ravi de t'avoir avec nous en studio ce soir. Et puis l'autre, vous le connaissez aussi puisqu'il a été très longtemps en studio, c'est Christophe. Salut Christophe. Salut Rémi. Comment ça va ce soir? Ça va très bien, toi-même? Bah impeccable. Cette fin d'année, ça va? Ouais, tout va bien. Nickel. J'en profite pour vous dire que ce soir, ce sera la dernière, et je dis bonne fête à Manu qui quitte le studio, que ce sera la dernière de l'année à 21h30, puisque la semaine prochaine et la semaine suivante, on prendra l'horaire de Manu de 19h30, donc pour le 23 et le 30. Et donc ensuite, après, à partir du mois de janvier, le 6, on reprendra l'horaire classique. Messieurs, on va revenir ensemble tout au long de ces 2 heures sur toute l'actualité de la semaine et du week-end sport. Il y a eu plein de choses encore, hein, évidemment, on va y revenir. Le sommaire tout de suite avec, évidemment, c'est pas une surprise, il y aura du foot ce soir. On terminera avec ça. On va revenir sur la Ligue 1, la journée d'hier, qui s'est terminé par la victoire de PSG hier, bon, sans surprise, encore une fois, hein, face à Saint-Etienne. On va revenir sur Lyon. Lyon qui a perdu gros ce week-end, non seulement parce qu'ils ont perdu le match, ça c'est sûr, mais aussi parce qu'ils ont perdu 2 joueurs. Et pas des moindres. Hein. On va y revenir avec Memphis Depay et avec Reine Adélaïde. J'ai oublié son prénom d'ailleurs. Je sais plus, ça commence par un J. Tu te débrouilles avec le reste. En tout cas, voilà, ça fait beaucoup pour Lyon. Aussi, on verra, parce qu'il y a la Ligue des Champions qui va arriver vite. Et on parlera du tirage au sort, bien sûr, pour le PSG et pour Lyon. Dortmund et pour Lyon, c'est du lourd, la Juve. Voilà, donc on en reparlera tout à l'heure. Du foot aussi avec la Ligue 2, évidemment, avec l'USO aussi. On va revenir sur ce nouveau revers de l'USO face au Mans. C'était vendredi. Et puis le dernier match de la saison. De l'année. Ce sera vendredi face à Sochaux. On reviendra dessus tout à l'heure. Je veux rien entendre pour l'instant. J'ai rien dit. Hein. Je sais, tu me regardes là-bas avec un grand sourire, mais moi j'ai rien dit du tout. On fera le détail tout à l'heure. Du foot avec le tirage évidemment des 8e aussi. Pour les autres clubs, parce qu'il n'y a pas que Lyon et Paris, bien sûr, il y a d'autres affiches très alléchantes dont on parlera tout à l'heure. La Ligue Europa aussi, il y a beaucoup d'affiches, il y en a quelques-unes qui sont intéressantes lors des 16e. Et puis voilà, c'est déjà pas mal pour. Si tu me l'autorises, je glisserai un petit mot sur le SPSHFC, Saint-Privé-Saint-Hilaire Football Club, oui. qui est en Coupe de France contre Toulouse tout et fait. Qui recevra Toulouse au stade du Grand Clos. Ah, Saint-Privé. C'est officiel. Ah, c'est officiel, d'accord. Ouais, tout à fait, ce sera au Grand Clos. D'accord. Donc c'est une très très bonne nouvelle parce que déjà que Toulouse est allé mal en point, mais on en parlera tout à l'heure. Ouais, tout à je pense fait. Que le terrain ne va pas les aider. Non, tout à fait, on en reparlera tout à l'heure évidemment. Et puis voilà, c'est déjà pas mal pour le foot, hein, un programme qui est chargé. Du tennis, ben non, parce que c'est la trêve, hein, il se passe pas grand chose pour l'instant. Le rugby, oui, puisque le rugby, il y a la 4e journée des Coupes d'Europe qui s'est déroulée. Bilan mitigé, hein, pour les clubs français. J'ai rien vu à part clairement un petit bout, mais pas plus. Bon, on en reparlera. Du basket, oui, aussi, bien sûr, avec plein de choses, hein, la Jeep Elite, l'OLB. Qui a perdu à Villeurbanne. Qui a perdu malheureusement. C'est plutôt logique au vu de la saison de l'ASVEL pour l'instant. Villeurbanne qui joue la grosse Coupe d'Europe là, et qui fait des super résultats, donc c'est normal. Et ouais, tout à fait. La NBA, bien sûr, un point comme chaque semaine, puisqu'il s'est passé plein de choses, évidemment, il y a eu des matchs toute la semaine. Et puis les Coupes d'Europe, parce que ça joue aussi toute la semaine, tout le temps. Les Coupes d'Europe, ça s'arrête jamais. Non seulement, tu l'as dit, l'ASVEL, l'Euroleague notamment, qui eux jouent carrément une saison complète en Euroleague. Hein. C'est complètement fou, l'Euroleague. Il y a des matchs toutes les semaines. Alors, en même temps, la NBA, c'est des matchs tous les deux jours. Hein. Oui. Voire même tous les jours. Faut pas se plaindre pour eux. Et puis en plus, ils se font des gros déplacements. C'est ça qu'il faut savoir. Ouais, enfin, quand ils sont en déplacement, ils font une série de matchs à l'extérieur avant de revenir à la maison et de faire une série à la maison. C'est ça. Du handball, bien sûr, on va en parler beaucoup ce soir, puisque je vous l'ai dit sur, sur Facebook pour ceux qui étaient attentifs. Sylvain est là déjà et il sera pas là que pour le hand, il sera là pour tout le reste, mais spécifiquement pour le hand, puisqu'il est d'habitude avec nous pour le hand. Et puis nous aurons ce soir, tu vas nous le dire Sylvain, quelqu'un du club de Gien de hand dont on parle très régulièrement ici dans l'émission. Ouais, on va avoir Fred Chaumeron, un des deux entraîneurs du HBC Gien, qui va faire le point avec nous déjà sur le match de samedi. Oui. Malheureusement perdu de justesse et plus globalement sur la saison compliquée des Génois. Tout à fait, ouais, c'est vrai qu'on en parle régulièrement de cette saison qui est assez compliquée, mais on aura l'occasion d'en parler plus en détail tout à l'heure. Et puis on essaiera de faire un petit peu le tour avec lui des équipes du coin, de Saran. Tout à fait, qui a joué, qui a gagné ce week-end. Des filles qui vont reprendre les Panthères. Et puis du mondial qui s'est terminé. Je ne sais pas si vous avez vu cette finale, en tout cas entendu parler de cette finale. Victoire des Pays-Bas. Les Pays-Bas, oui. Avec un entraîneur français. Voilà. Oui, qu'à Metz, c'est ça hein. Ouais, peut-être. Oui, c'est ça. C'est ça. Hein. Ouais. Et un match qui a fait un peu débat, enfin en tout cas l'arbitrage des Françaises sur la fin de match. On en reparlera. En tout cas, c'est les Hollandaises qui sont championnes du monde et ça, on ne pourra pas leur retirer. Voilà, et puis du ski pour finir avec une grosse victoire pour Alexis Pinturo lors du slalom de. C'était au Val d'Isère ce week-end, on va en reparler. Et puis le biathlon où la France marche toujours aussi bien, même si il n'y a pas eu de victoire. J'ai regardé le relais hier avec la Norvège. La Norvège, ils ont fait fort. Hein. Ah, c'est du lourd. Ils ont fait un retour avec Bœ. C'est incroyable. Ouais. On va revenir dessus. La Norvège qui est vraiment au top, mais la France aussi qui est très forte dans ce début de saison et qui place souvent 4. Biathlètes dans le top 10. Ah, ils sont costauds cette année. Hein. Donc c'est fort, ouais. Donc sous ça, dans un instant, un premier titre que vous allez choisir ce soir. C'est pas les auditeurs qui ont fait la programmation, c'est vous les gars, pour une fois. Et ben, honneur à l'invité. Vous allez commencer. Et puis je vous rappelle le Facebook Red Arc du Sport. Vous pouvez commenter l'actualité, proposer un sujet. Vous pouvez nous appeler, comme le fera dans un instant Fred. 02 38 434 800. Vous pouvez appeler, c'est bon, le standard est opérationnel et vous pouvez passer à l'antenne avec nous. Donc n'hésitez pas. Et puis pour nous écouter, bien sûr le 96.2 ou le site radio-arc-en-ciel.fr. Vous pouvez nous écouter en direct et retrouver plein d'infos sur toutes les émissions. Et puis j'oublie pas, bien sûr, les directs ce soir, puisqu'on suivra tout au long de cette soirée en fil rouge les 3 directs. Il y en a même 5 avec du Portugal. La Ligue 2, c'est Guingamp 3. Guingamp qui est 8ème, 3 qui est 4ème. 0-0 à la pause. En Angleterre, c'est la 17e journée de la Première Ligue entre Crystal Palace 10e et Brighton 12e. 0-0 aussi à la pause. Et puis en Italie, c'est la pause également entre Cagliari qui est 4e, qui est un surprenant 4e, mais pour l'instant qui fait encore bien le boulot puisqu'il mène 1-0 face à la Lazio qui est 3e. Et ça, c'est également à la mi-temps, 16e journée de cette Serie A. Et puis deux matchs au Portugal pour la 14e journée, le Sporting qui mène 4-0 face à Santa Clara. Il reste un peu plus de 10 minutes, donc ça semble bien engagé. Ils font pas dans la dentelle, hein. Non, là c'est le carton pour l'instant. Et puis le FC Porto, qui mène 1-0 sur sa pelouse face à Tondela, 8e. Et il reste beaucoup, puisque c'est fait seulement la 20e minute de jeu. Voilà les 4 directs que l'on suivra, 5 pardon, ce soir. Un premier titre, donc, et on revient juste après, pour la première partie de cette émission. C'est qui va choisir? Sylvain. Ouais, écoute, j'ai écouté en venant, donc si tu peux me mettre un petit Chris Rea, ça me ferait plaisir. Très bien, mais quel titre? The Road to Hell, par exemple. Eh ben, c'est parti. Tu vas savoir l'écrire en anglais, non? Quand même. Eh ben, on part avec ça, et puis on revient dans un instant pour la première partie avec notre invité qui sera avec nous par téléphone. À tout de suite sur Arc-en-Ciel. Dans combien, 4 minutes à peu près, ça doit démarrer 4h30 même. Allez, à tout de suite, 21h44 sur Arc-en-Ciel. breakdown. Oh no, this is the road to hell. Pour ce titre excellent, hein. The Road to Hell est très bon. Ah ouais, les Norton, les Triomphes, génial. Puis les petites nanas qui sont dessus, sympa aussi. Fabienne, si non, tu m'écoutes. Non, mais dis donc. Retour pour cette première partie. Et si tout s'est bien passé, normalement nous devrions avoir Fred Chaumeron en ligne, co-entraîneur du HBC Gien. Bonsoir Frédéric Chaumeron. Bonsoir. Parfait, tout fonctionne. Salut Fred. Salut Fred. Et merci d'être avec nous ce soir, en tout cas pour ce moment avec nous, c'est très sympa. On va parler pendant quelques minutes, bien sûr, du club de Gien, évidemment, et puis faire un petit tour d'horizon aussi de ce qui se passe sur le secteur dans le monde du handball. Ma première question, ça va concerner plutôt la dynamique du moment sur le club de Gien. Comment vous ressentez ce qui se passe en ce moment et cette situation qui est compliquée, évidemment, au vu des résultats? C'est difficile, comme vous dites, au vu des résultats, surtout qu'on essaie de donner le maximum toute la semaine et qu'on voit que le samedi, ça ne paye pas trop. Et donc, voilà, quoi, ça devient de plus en plus difficile. Malgré tout, dès que la semaine reprend avec le mardi, on relance la machine pour les refaire travailler, pour refaire travailler tous les joueurs et puis pour les remettre dans un état assez correct, dans l'esprit de combattant pour attaquer le samedi pour le match, quoi. Oui, vas-y, Sylvain, ouais. Continue. Salut Fred, c'est Sylvain. Oui, salut Sylvain. Ouais, justement, par rapport à ça, comment tu as senti les gars après le match de samedi soir? Parce qu'on peut quand même raconter un petit peu, parce que moi j'y étais forcément, mais le match de samedi soir. Il y a un peu comme beaucoup de matchs ces derniers temps, c'est-à-dire qu'on maîtrise le match pendant très longtemps. On a même quasiment mené tout le match, si tu me dis si je dis une bêtise. Oui. Et en fait, on se fait rejoindre à 3 minutes de la fin, et on se fait déplacer et on finit par perdre le match. Et voilà, comment étaient les gars après? Ils étaient abattus parce qu'on savait très bien que c'était un match super important à gagner. C'était le dernier de l'année et des matchs allés qui étaient importants, quoi, au vu du classement. Donc forcément, ils étaient abattus, tout comme Evgeny et moi, on était un peu abattus, quoi. Et On fait une belle première mi-temps, une très belle première mi-temps, et je pense que même toi qui étais dans les tribunes, tu as vu du beau jeu en attaque. Bien sûr. C'était fluide, il y avait, enfin, c'était des coups de four, enfin voilà, c'était beau à voir, quoi. Et à un moment, il y a un trou de 5 minutes où, voilà, il n'y a plus personne, et la lumière s'éteint, et puis, il passe devant Toulouse, et c'est fini, quoi. Voilà. Et toi, tu l'attribues à quoi? Plutôt un problème physique? On a beaucoup parlé du manque de rotation, ou plutôt un problème mental? Ben, je dirais qu'il y a un peu des deux, quoi. C'est sûr qu'il nous manque un peu de rotation, puisque on n'est pas beaucoup, on n'est que 12. Enfin, on était 13 sur la feuille de match ce samedi, et puis un peu mentalement aussi, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné de match. Et l'équipe, ben voilà, dès qu'il y a un petit souci, dès qu'il y a un petit caillou dans l'engrenage, et ben forcément, il n'y a pas de leader réel qui permette de pouvoir sortir de ça, quoi. Est-ce que tu discutes avec les entraîneurs adverses? Est-ce que après les matchs, est-ce que tu as des ressentis de leur part sur le jeu de notre équipe à nous? Ben, je sais que, ouais, de temps en temps, je vais les voir, Evgeny aussi, on discute, et puis ils nous disent, enfin, ils comprennent pas qu'on a, enfin, surtout quand ils voient les vidéos, qu'on a une belle équipe, qu'on a du beau jeu. Et des fois, ben, ils se posent la question, comment on peut en arriver là, et ils disent, mais vous allez vous en sortir, vous allez en gagner des matchs, quoi que ce soit, quoi. C'est ça qui est dommage, quoi. Même eux, ils le ressentent, comme quoi on développe du beau jeu, bon, on fait des erreurs, mais voilà, quoi, c'est, et même on a des bons retours, quoi, c'est ça qui est dommage, quoi. Salut Frédéric, bonsoir. Christophe, on s'est rencontré plusieurs fois cette année déjà, d'ailleurs en déplacement avec Sylvain. Moi j'aurais souhaité te poser une petite question. Je voudrais savoir justement, parce que j'ai vu quand même quelques matchs à la maison et à l'extérieur, notamment celui c'était à Rennes, hein, c'est ça, hein, ce match de Rennes. Je pense qu'il vous manque pas grand chose finalement pour aller chercher des victoires. Est-ce que tu penses que le championnat est totalement terminé pour vous, ou est-ce que tu penses que cette deuxième phase peut justement, à l'inverse, se retourner un peu dans votre sens et vous donner quelques victoires qui peuvent aussi vous faire remonter assez rapidement? Je pense que même Evgeny partagera mon point de vue. Le championnat n'est pas terminé. Tant qu'on aura encore des points et qu'on ne sera pas mathématiquement descendu, on va se battre jusqu'au bout et on le fera au maximum. Après, oui, on a des matchs retour. On sait très bien que les matchs retour vont commencer très difficilement, où on va accueillir le PSG, la réserve, et on va accueillir dans la foulée, enfin deux matchs après, la réserve de Nantes. Donc c'est pas idéal pour commencer une phase retour. Malgré tout, on va essayer au maximum de reposer les corps pendant 15 jours et de réattaquer une prépa en leur mettant un peu de confiance, en faisant des matchs amicaux. Et voilà, quoi, en essayant de faire le maximum pour qu'on ait une deuxième phase un peu plus abordable, sachant qu'on va recevoir Cesson. On va recevoir Livry-Gargan. Enfin voilà, il y a des matchs qui risquent et qui seront importants dans la deuxième phase, quoi. Sylvain, est-ce que tu peux juste nous repréciser le format cette année de cette compétition, puisque l'an passé c'était un peu un format différent? Ouais, alors l'an passé c'était très compliqué avec un système de play-off et play-down. Là c'est beaucoup plus simple, cette année c'est un championnat normal avec 12 équipes et tout simplement les deux derniers descendent, voilà. Ouais, et au niveau des montées? Alors au niveau des montées, je vais te laisser expliquer, Fred, parce que moi j'ai toujours pas compris. Moi non plus, quoi. D'accord. Bon, montrons ceux qui voudront. C'est les deux premiers, enfin c'est les premiers qui vont faire un espèce de play-off avec un avant-dernier, je crois, de la poule 1, oui. Et qui permet d'aller avec en poule élite. En fait, ils appellent ça la poule élite. C'est la poule 1, quoi. Qui permet après dans cette poule-là d'accéder en B2, quoi. D'accord. Ouais, petite question, moi, que j'aimerais te poser. C'est une réflexion que j'ai eue moi-même dans mon coin, hein, en voyant un peu Sylvain dépité. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pensé depuis le début de la saison à l'apport de quelqu'un extérieur au club ou extérieur, je sais pas, carrément, je dis n'importe quoi, mais au handball, qui pourrait peut-être parler avec les joueurs? Est-ce que tu penses pas qu'il y a quelque chose peut-être de psychologique aussi? Oui, on y a pensé. On a réfléchi aussi à ça avec Evgeny. On s'est dit pourquoi pas peut-être discuter avec quelqu'un d'autre qui connaît pas ou qui connaît très peu le handball mais qui est extérieur du club ou quoi que ce soit. Après ouais, pourquoi pas, faut qu'on discute. Je sais qu'il y a le papa d'un des joueurs qui coach mental, il me semble, Donc pourquoi pas utiliser cette solution-là durant la prépa du mois de janvier, et puis on verra après ce que ça peut donner. Mais enfin, on n'est pas arrêté là-dessus encore avec les Genia, quoi. Parce qu'on l'a vu, hein, c'est vrai que quelquefois quand vous perdez de peu ou que la défaite se joue à peu de choses, on a vu les gars sont abattus, des fois ils sont abattus. Je me rappelle, c'était où en région parisienne? C'était à Livry-Gargan. À Livry, les gars étaient mais complètement dépités, quoi. On les a vus la tête basse. Et puis à l'inverse, t'as des matchs où derrière, t'es vraiment heureux parce que t'as fait un super match et que malgré certaines défaites, il y a vraiment du jeu, quoi. Ça joue quand même. Ça joue même très bien parfois. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et on peut le dire sur la défaite qu'on a eue à la maison de Bruges, où on fait une mauvaise première mi-temps, et puis derrière, bon, il se passe ce qui se passe à la fin de la première mi-temps, mais où on retrouve de la combativité, de l'agressivité, et on l'a vu après sur l'enchaînement à Torcy, quoi. Enfin voilà, quoi. On aimerait avoir cette combativité, cette agressivité, mais pendant une heure, quoi, et pas pendant 50 minutes ou les 10 dernières minutes où un trou de 10 minutes en plein milieu et puis que ça, l'équipe revient et puis elle nous passe devant et puis après moralement on n'y est plus, quoi. Ouais, parce que ce week-end il a fait mal, hein. Moi je voyais 5 buts d'avance à la mi-temps, je me suis dit un peu dans ma tête, alors, peut-être comme un couillon, mais je me suis dit bon c'est bon, ils vont peut-être quand même en gagner une quand même, et puis final voilà, quoi. Mais c'est vrai Sylvain, on en parle régulièrement, il y a eu les 3 dernières défaites, c'est des défaites avec un ou deux buts. Et il y en a une autre face à Saint-Cyr aussi d'un but. Ouais, et puis contre Rosé aussi. Rosé, ouais, tout à fait. C'est un but ou deux, et c'est un peu symptomatique de ce qu'on vient de dire, c'est que 50 minutes et puis malheureusement sur les 10 dernières ça s'inverse, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. C'est toujours des petites erreurs qui viennent et puis qui nous font mal, et puis après comme je l'ai dit, la lumière s'éteint, il n'y a plus personne, et voilà, quoi. Ouais, c'est là qu'il manque peut-être un. Dans l'effectif, un joueur pour gérer cette situation-là, peut-être. Pourtant, on a des joueurs d'expérience. Ouais, mais... peut-être un joueur ici qui n'a pas vécu peut-être la saison de l'année dernière où ça fait mal aussi, encore, hein, depuis le mois de janvier, où on a traîné ces histoires de non-qualification au play-off, entre guillemets, hein, où les joueurs peut-être y ont cru, puis mentalement, on n'y a pas été. Donc voilà. Peut-être un joueur de l'extérieur qui viendrait et puis qui nous apporterait un plus là-dessus, quoi. Ah, parce qu'il faut expliquer quand même, parce que là on est sur une radio sur Orléans, donc tout le monde ne suit pas forcément le club. Il faut expliquer que l'an passé, il y a même pas un an, Julien était en pleine forme et a raté de très très peu les play-offs d'accession. Oui, exactement. Et à partir de là, effectivement, tu as raison, absolument, on a raté les play-offs, on a enchaîné une série très négative, à tel point qu'on aurait dû donc descendre en N2 et qu'on a été repêché suite à la réforme du championnat. C'est là qu'il y a peut-être un petit truc mentalement, je sais pas. Il y a peut-être un petit truc mentalement, alors enfin c'est peut-être un détail, hein, j'en sais rien, moi je suis pas non plus spécialiste, hein, mais peut-être que un petit déclic et ça suffirait. Mais bon. D'ailleurs, on pensait l'avoir à Cesson ou Sylvain, enfin vous étiez là tous les deux là. Ouais. Vous avez vu autre chose à Cesson? Ah oui, c'est clair. Derrière, non, on n'a pas réussi à concrétiser ça, quoi. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai que c'était très surprenant. On a fait un super match à Cesson et derrière on enchaîne Chartres qui était mal classé. Et on était tous persuadés, que ce soit les publics, de vous, le staff, qu'on allait enchaîner. Et là, c'est là qu'on a pas enchaîné, quoi. Alors, quel va être le programme maintenant Puisqu'il faut dire qu'évidemment, il y a une trêve énorme, puisqu'il y a le championnat d'Europe masculin. Mais quel va être le programme aussi, ouais. Ouais. Ouais. Et quel va être le programme, justement, pendant cette période? Donc voilà, du coup, cette semaine, on va s'entraîner mardi et vendredi. Après, ils seront en vacances pendant 15 jours. Et on reprendra le 6 janvier, il me semble, un truc comme ça, ou le 6-7 janvier, le lundi, là. Et puis, on a un mois de préparation où on s'entraînera 4 fois par semaine, avec enchaînement de matchs amicaux qui seront placés dans le mois de janvier, avec des matchs amicaux sur Orléans à Saint-Privé. Et puis, un tournoi où on fera un tournoi à Savigny-sur-Orge, là, dans le 91. D'accord. Est-ce que vous avez des joueurs qui sont concernés par une sélection éventuelle? Ouais, tout à fait, ouais. On a Soufiane Idir et puis Mohamed Zahouali qui sont retenus pour aller faire la CAN, je sais plus où, en Tunisie ou en Égypte, je sais plus où. D'accord. Enfin, qui partent dans la semaine prochaine. Petite question, Fred, si on souhaite tous qu'on puisse s'en sortir et gagner des matchs, si d'aventure la saison était très très mal barrée et finalement qu'on était condamné assez tôt, toi en tant que coach, qu'est-ce que tu fais sur les derniers matchs? Est-ce que tu en profites pour tester des trucs, des nouveaux systèmes défensifs par exemple, ou on verra avec Evgeny ce qu'on fera, et parce que voilà, on est deux, et faut qu'on voit après dans la préparation si au mois de mars et au mois d'avril bah, c'est terminé, donc on verra ce qu'on fait, si on essaie d'autres choses, si on voit avec les joueurs qu'on a envie de garder ou quoi que ce soit, quoi. Mais on n'y est pas du tout encore là-dessus, honnêtement. Non, mais je sais. Et je pense que, encore une fois, Génia partage mon avis, c'est que on va se battre encore jusqu'au bout et on verra après, match après match, ce qu'on fera. Et je pense qu'on fera un bilan, parce qu'il y a une petite traîne, il me semble, au mois de mars. Donc on fera un bilan au mois de mars et puis on voilà, vraiment, on saura où on est peut-être. Ok. Donc là, vous avez le prochain match, donc c'est la réception du PSG, de la réserve du PSG. Ouais, donc. Tout à fait. Alors, on reçoit la réserve du PSG. Est-ce qu'il vaut mieux pas les prendre peut-être maintenant, puisqu'ils vont être. Ils vont avoir repris aussi, ils ont peut-être des joueurs qui vont partir, enfin c'est même certains en sélection. Oui. Donc peut-être sur un match comme ça où ils reprennent, où les joueurs reviennent de sélection, ça peut peut-être faire une différence. Mais ouais, faut voir quoi. Après, je sais que comme il y a une trêve, ils vont aussi faire des matchs amicaux avec l'équipe 1, et l'équipe 1 va forcément faire des matchs amicaux. Donc ouais, c'est partagé quoi, du coup. Alors, il faut dire qu'on n'a pas été aidé non plus par le calendrier de début de saison. Ça a commencé fort, hein, c'est vrai. Oui. Mais oui, il y a eu Nantes, la réserve de Nantes, il y a eu la réserve de Paris, la réserve de Nantes, et puis voilà quoi. Et puis beaucoup de déplacements. Oui. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déplacements sur le début de 4 sur 5, sur les débuts de saison, c'est compliqué. Est-ce que tu penses que justement, cette réserve du PSG, je sais pas comment ils l'abordent, mais est-ce que tu penses qu'ils peuvent peut-être vous prendre un peu de haut en se disant, oh, ils sont derniers, ça va, on y va un peu décontracté? Tu penses que c'est possible ça ou pas? Ouais, c'est ce qu'ils avaient un peu fait l'année dernière où ils étaient venus à Gien peut-être un peu plus décontractés et on avait gagné. Et de notre côté, je pense qu'il n'y aura pas de problème de motiver les joueurs parce que voilà, c'est une réserve, surtout ce qu'on a pris là-bas, quoi. Donc il y aura une espèce de petite revanche à faire, quoi. Donc voilà, je pense qu'on aura un beau match à voir ce mois de février-là. Ouais, je crois que ça c'est complexe un peu leur façon de faire aussi au PSG quand ils reçoivent. Je crois qu'ils essaient de s'arranger un petit peu pour vous mettre un peu dans l'embarras aussi. Hein. Ils font un peu comme ça les arrange eux, mais pas trop comme ça vous arrange vous. Bah c'est terrible. Ça va quoi. Ça va. Ça va. D'accord. Mais alors justement, une petite question par rapport au championnat. On est dans une poule. Alors j'ai pas trop regardé le détail des autres poules, mais nous on est dans une poule de 12 avec au moins 5 réserves pro. Pour toi, est-ce que c'est normal pour toi? Bah, c'est le tirage régional entre guillemets ils appellent ça comme ça quoi. Donc tu peux pas après savoir. Après je pense que cette poule là est un peu plus forte que la poule de l'Est. Ouais. Où il y a Épinal, il y a des clubs, ou même la poule du Sud où il y a peut-être des équipes un peu plus faibles qui viennent de N2 avec Saint-Flour et tout ça quoi. Maintenant ouais, cette poule là avec les réserves de Nantes et de Paris. C'est pas facile, quoi, sachant que ta charte aussi, qui monte, et forcément, quand ils sont montés, donc ils font évoluer des jeunes un peu plus haut, parce que t'as aussi des jeunes qui vont jouer en D1 à charte. Donc, ouais, voilà, tu comptes sur des équipes comme ça, que les gamins aient envie de tout prouver, quand surtout dans la salle, il y a peut-être l'entraîneur de l'équipe 1 qui est dans la salle aussi, donc ils ont envie de jouer à fond, et puis voilà, quoi, c'est comme ça, quoi. On a beaucoup, beaucoup de critiques, notamment dans le football, aujourd'hui, sur les arbitres, sur l'arbitrage. Qu'est-ce que tu penses de l'arbitrage handball cette année, de ce que tu as vu toi? Je vais mettre entre parenthèses nos deux copines de Livry-Gargan, parce que je sais que Sylvain les adore. Donc voilà. Mais qu'est-ce que tu penses de la généralité de l'arbitrage en handball? Y a pas d'arbitre qui écoute là. Non, y en a en face de moi, mais l'arbitre de foot, c'est pas grave. D'accord. Bah non, mais en fait, ouais, tu peux tomber sur tout et pas n'importe quoi, mais sur des arbitres qui sont un peu plus faibles. Forcément, la Ligue, la Fédé essaye de faire monter des arbitres pour pouvoir avoir des arbitres d'un peu plus haut niveau. Donc, ben, tu peux tomber sur des arbitres qui habitaient de la N3 de l'année dernière ou voire de la N2 et de là, qui arbitrent de la N1. Les niveaux sont assez différents. Ça va un peu plus vite en N1. Donc, ben, tu l'as vu à Livry-Gargan où des fois ça va trop vite pour eux, quoi. Mais tu peux tomber sur des paires qui sont pas mal et puis qui peuvent commettre 2-3 erreurs. Donc, comme le samedi, ils étaient pas mal, quoi. Donc, Moi, je dirais, il y a un arbitre face à moi, j'aurais pas qu'il vienne m'en mettre une. Non, mais t'as de et tout, toi, donc on va pas se plaindre là-dessus non plus, quoi. Ça peut siffler dans notre faveur contre nous aussi, donc voilà. D'accord. Et tu parlais du fossé entre la N1 et la N2 au niveau de l'arbitrage. Au niveau du jeu, est-ce que tu penses qu'il y a un grand fossé entre la N1 et la N2? Bah, la N2 c'est très particulier. Tu as deux trois équipes qui sont en haut et derrière ça se bat dans le ventre mou et puis après d'en bas t'as 2-3 clubs qui essayent de pas descendre quoi. Et en N1 c'est assez homogène. Mais la N2 ça court tout le temps, ça Alors que la N1 c'est un peu plus placé, c'est voilà quoi. C'est ce qu'on a fait quand on était en N2 il y a 2 ans où on a beaucoup couru. Oui, oui, on jouait très vite. Beaucoup d'activités, on allait beaucoup vite, on faisait des engagements rapides de tout ça et ça nous a beaucoup servi. Alors qu'en N1, tu vois, c'est un peu plus posé. Ça arrive de temps en temps de mettre du rythme ou quoi que ce soit, mais c'est plus posé quoi, c'est plus léché quoi. Bah c'est peut-être pour ça qu'on souffre en N1, parce que nous on avait un jeu qui était assez basé sur les montées de balles rapides. Et en fait, on a beaucoup de mal cette année. On a remarqué beaucoup de buts sur le montée de balle, ouais, c'est vrai. Et maintenant, il nous manque peut-être un ou deux joueurs sur une attaque placée pour avoir des shoots de loin. Donc voilà, c'est ça qui est embêtant. Quoi. Ok. Une petite question. Moi, j'ai une petite question qui me vient comme ça. On vous écoute en discuter. Moi, je connais un petit peu le HBC, hein, pour être venu plusieurs fois vous voir. L'œil extérieur que j'ai de ce club, c'est un club qui est structuré. C'est un club qui a des dirigeants qui aiment le handball, qui vont faire tout pour leur équipe première, mais qui font aussi tout pour le club en général, pour les plus jeunes, pour les équipes réserves, etc. Qu'est-ce que tu en penses de tout ce qu'il y a autour de l'équipe première? Non mais déjà l'équipe première c'est très bien ce qu'on a autour parce que on a commencé à mettre un cadre. On a eu une nouvelle présidente qui est arrivée il y a deux ans il me semble, enfin que son mandat va s'arrêter là. Et elle a essayé de faire bouger des choses et derrière on est suivi par deux personnels où il y en a une qui gère les administratifs et l'autre qui gère le groupe équipe une, hein, où dès qu'il y a un problème ou quoi que ce soit, c'est elle qui prend en compte. Hein. Et puis derrière, ouais, les dirigeants qui nous suivent. Après, nous on essaye aussi d'essayer d'ouvrir pour que le club, il n'y a pas que l'équipe une, hein, parce que derrière t'as des jeunes, t'as les filles aussi qui sont là. Ouais, j'ai regardé un peu, je vois les résultats, donc c'était pour ça cette question surtout. L'équipe une c'est la vitrine entre guillemets, mais le club vit grâce aussi avec les jeunes qui est en dessous quoi. C'est si t'as pas d'équipe de jeunes qui font vivre le club ou quoi que ce soit, ben le club meurt quoi. C'est pas autrement. Hein. Ok. Bon, bah écoute, on va peut-être faire un petit tour rapidement des autres équipes du coin. Tout à fait. Attends, peut-être qu'il a des choses à rajouter, je sais pas, faut peut-être lui poser la question d'abord. Non, il reste avec nous jusqu'à là. C'est un plaisir de vous avoir, et puis au cas où, si un jour vous pouvez venir à la radio et puis faire un match avec plaisir. Quoi que ce soit, ça sera bien. Quoi. Avec grand plaisir. Voilà. On va s'organiser ça. Eh bien, parlons de Saran, maintenant, qui évolue... Justement, puisqu'on va parler des autres équipes du coin. Vas-y. Fred, est-ce que entre les coachs des équipes du coin, je pense à Gien, mais je pense à Saran, je pense à Saint-Privé, qui est en N2, vous êtes en contact régulier, vous allez voir les matchs les uns des autres, ou pas? Evgeny, il va de temps en temps à Saran, il va voir les matchs. Après, c'est un privé, on a un peu moins de contacts. On les a quand, tu vois, on a des trêves et puis on va faire des matchs amicaux. On a vu Fabien en début d'année, là, quand on a été faire un match amical contre la réserve de Saran. Ouais. Mais voilà, quand on a beaucoup enfin, on est déjà occupé déjà par notre club, hein, par nos ouais, je sais bien. Ce soir. Donc voilà, quoi, c'est assez difficile de pouvoir se rencontrer et puis discuter, pouvoir échanger, quoi. Ok. Donc Saran, justement, on en parle, qui évolue donc une division au-dessus, qui vit une saison particulière en fait, un peu en dents de scie, il faut bien le reconnaître. Il y a eu une victoire qui a fait beaucoup de bien ce week-end. À Strasbourg, et c'était bien de gagner ce match avant la trêve, puisque la trêve va arriver maintenant avec le championnat d'Europe évidemment. Et donc c'est une saison qui est quand même compliquée pour Saran. Depuis le début là, ça a été en dents de scie. Au début, ils gagnaient un match, ils en perdaient un. Ils ont eu une série négative, et là, heureusement, ils sont allés gagner à Strasbourg. Sinon, ça sentait le bas de tableau. Alors, il reste un match quand même pour avant de d'être en trêve. Ce sera face à Cesson-Rennes, et ce sera non pas vendredi, mais jeudi. Jeudi soir, donc à domicile à Saran, hein, à la Halle des Sports. Face à Cesson-Rennes, pourquoi pas, pour essayer de remonter encore un peu au classement avant la trêve. Pour l'instant, Saran est 10e sur 14. Voilà, mais c'est vrai que c'est quand même assez serré. Hormis Valence et Besançon qui sont vraiment loin, il y a quelques équipes à 10, 11 points, donc il y a encore quelques places à récupérer. Cesson-Rennes, 4e, oui, avec 15 points. Bah, nous, on a joué leur réserve avec le Gien. C'est ça. Et tu les as vu jouer, Saran, Fred, depuis le début de l'année ou pas? Non, j'ai pas eu le temps d'y aller. D'accord. Donc voilà, le match de jeudi, et en attendant, donc Saran a repris quand même des points. Et en plus, c'était important face à Strasbourg, qui était un concurrent direct, hein, puisque maintenant Strasbourg a le même nombre de points, 10, comme Saran. Voilà pour Saran, donc encore un match avant la trêve. Et puis bien sûr dans le haut du panier de la Leicester League. Les Panthers. Alors les Panthers, on va en parler après, qui vont reprendre, mais en tout cas dans la première division homme, la Leicester League, on a joué la semaine dernière. Alors il n'y a pas eu de surprise. Hein, Paris qui s'est imposé à Tremblay, sans Tremblay j'ai envie de dire, 41-32. Victoire de Montpellier aussi facile à Toulouse, et puis celle de Nantes. Ouais, sa blague aussi, elle était facile. Ouais, ouais. Celle de Nantes qui était plus compliquée en revanche face à Aix, 25-24. Petite victoire pour Nantes, mais victoire quand même. Et puis la victoire de Chartres qui fait plaisir, qui s'impose 28-26, et en plus à l'extérieur à Ivry. Et c'est pareil pour Chartres, on en avait parlé, c'est un petit peu compliqué, ce qui est aussi logique, ouais, puisqu'ils viennent de monter. Mais là, ils viennent de battre Ivry qui était juste devant eux, donc ça leur permet de passer devant, donc c'était important, là aussi, avant une trêve qui va arriver. Dans le classement, bah, c'est voilà, logique, Paris leader avec 24 points, et bah, pas champion, mais presque déjà, hein. Il a vaincu Nîmes. Nîmes est deuxième. Nîmes qui fait une belle saison aussi, Nantes, Montpellier également. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment que les trois sont en égalité, hein. Nîmes, Nantes et Montpellier. Derrière le PSG, oui, c'est très ça. Ils se lâchent plus les trois. Et puis concernant le championnat qui va continuer, ce sera cette semaine, mercredi et jeudi, avec Paris qui va recevoir Dunkerque, Nantes qui va à Montpellier, ça c'est une belle affiche. Ouais, bah, ce sera l'occasion de qu'ils soient plus égalité, ces deux-là, puisqu'ils vont forcément, bien sûr, il y aura forcément un vainqueur. Ils peuvent faire un match nul. C'est vrai, il peut y avoir un match nul. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois un match nul sur un match comme ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, on verra. Et puis Chartres va recevoir Toulouse. La Ligue des Champions, c'est la trêve déjà. Ça y est. Depuis un petit peu. Et puis bien sûr, ensuite, bah, tout le monde partira soit en. En vacances, mais en repos, et puis les autres bah, iront bien sûr en championnat d'Europe pour les garçons. Qu'est-ce que vous attendez de ce championnat d'Europe la France? Mieux que les filles déjà? Oui, il n'y aura pas beaucoup de mal, j'espère. Alors justement, on peut demander à Fred, est-ce que tu as vu des matchs de l'équipe de France féminine? Et si oui, ouais, j'ai vu malheureusement. Je pense honnêtement qu'elles avaient la tête aux JO et qu'il ne fallait pas qu'elles se blessent ou fassent de grosses blessures. Donc forcément, quand tu arrives dans une compétition où tu es déjà qualifié pour les JO, bah, tu as moins d'agressivité. Et puis voilà, quoi, tu penses déjà à ce qui peut se passer. Donc tu mets pas le même combat que tu peux mettre que si tu avais une qualif à jouer au bout. Quoi. Donc voilà, bah, dommage, mais bon, on va les voir aux JO, je crois. Mais c'est quand même particulier, ça fait des années que c'est comme ça, mais qu'il y ait une compétition la même année que les Olympiades, quand même, c'est... Que ce soit chez les garçons, chez les hommes, ou même au basket, c'est quand même particulier d'avoir deux compétitions la même année. Enfin, on verra ça jamais au foot, par exemple. Bah ouais, les calendriers des handballeurs commencent vraiment à être. D'ailleurs, ils commencent à se plaindre, hein, les professionnels là-haut, là. Où t'as deux compétitions majeures dans la même année, sachant qu'en plus, ils ont la Ligue des Champions, certains, oui. Et ils ont le championnat. Donc, ouais, bah après, quand ça tombe comme ça, voilà. Ils avaient pensé de décaler ça de temps en temps, mais je pense qu'ils n'ont pas réussi à trouver un calendrier vigueur. Et puis pouvoir déplacer des grosses compétitions majeures comme ça. Quoi. C'est dur de jouer sur tous les tableaux. Alors c'est vérifié pas le passé, ça peut se faire. La France avait déjà réussi à remporter les deux la même année. Mais c'est vrai que c'est une exception parmi tant d'autres et c'est compliqué de jouer les deux tableaux. En tout cas, bah, la France, elle, bah, n'a pas réussi à remporter cette première. Alors on a fini combien finalement? 13e. Ouais, on a eu la coupe du président. Ouais, c'est ça, exactement, la coupe du président. Avec cuillère de bois. La victoire, elle est pour les Pays-Bas qui a battu l'Espagne, c'est leur premier titre mondial pour les filles. 30 à, ouais, avec le. Ouais, tout à fait, Côte Jemès. 30-29. Il y a eu des choses qui ont été dites par la suite par les Espagnols qui sont un peu pleins de l'arbitrage des arbitres français, tout à fait. Le jour où les Espagnols ne se plaindront pas les Français. sur le dernier but hollandais, c'est qu'il y a un jet de 7 mètres dans les toutes dernières secondes. Un jet de 7 mètres qui a été accordé, je crois, pour une défense en zone. Tu l'as vu, Fred? Non, j'ai pas vu. J'ai vu la polémique où la fédération et les joueuses criaient, mais j'ai pas vu la faute. J'ai vu que ça se termine sur un pénalty. Ouais. Ouais, c'est ça, sur une défense en zone. Et a priori, le pied n'était pas en zone. Enfin, c'est assez particulier. Bon, ça crie au scandale, évidemment, côté espagnol. Quoi qu'il en soit, c'est... Il va falloir leur proposer la VAR. Ouais, faut peut-être, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, non, je pense pas. Là. Non, non. Bon, en tout cas, on connaît votre point de vue sur la vidéo. En tout cas, c'est les Pays-Bas bah, qui ont remporté ce titre. Et puis, la troisième place. Donc, la deuxième pour la... L'Espagne, non? Bah oui, forcément. Et puis, et la France, 13e. Donc, bon, bah, qui a manqué son mondial, mais elles étaient déjà qualifiées pour les Jeux. Et donc, on les retrouvera, ça c'est sûr, aux Jeux avec les Pays-Bas, ça c'est sûr aussi, puisqu'elles sont championnes du monde. Et on a hâte d'y être. Et puis, bah, Fleury qui va reprendre la compétition maintenant, puisque les internationales vont rentrer. Alors, il y en avait quelques-unes hein, pour la France, notamment la Kraber. Avec la Kraber, qui a fait un bon mondial malgré. Elle n'a pas joué beaucoup de matchs, mais... Elle était beaucoup critiquée. Hein. Moi, j'ai lu pas mal de choses. Moi, j'ai lu un truc, justement, où elle disait qu'elle ne s'était pas trouvée bonne et qu'elle n'avait pas été au top, quoi. Donc, qu'elle aurait pu faire beaucoup mieux, en tout cas. Elles n'ont pas été beaucoup... Enfin, il n'y en a pas eu beaucoup au top. Alors, c'était difficile d'en sortir. Ouais, mais comme disait Fred, c'est clair qu'il doit y avoir une certaine retenue aussi à ce niveau-là. Parce que quand tu arrives sur une année olympique, tu freines un grand coup. C'est tu normal, te dis, j'ai envie d'y aller, quoi. C'est logique, ça se comprend. Hein. C'est indirect. Enfin, même sans le vouloir, peut-être que ça joue. Hein. Dans une compète comme ça. Bien sûr. C'est quand même une compétition quand même, je pense. Donc, oui. Bah, au hand, en tout cas, au basket, c'est vrai que c'est le top du top. Le Jeux Olympiques. T'es pas d'accord, Christophe? Ah, si, mais si. Moi je t'écoute. C'est peut-être pas le cas au foot, mais ça c'est. Tu me prends toujours à témoin, mais moi. Non, mais moi derrière, j'ai rien. Non, mais c'est pas le cas au foot, ça c'est certain, mais par contre, c'est sûr. Au hand et au mondial, au hand et au basket, il faut gagner le. Ah, mais le football, il connaît pas les JO. Non, c'est vrai. Attends, il voulait envoyer Benzema quand même au JO. On en parlera du jeu tout à l'heure pour la partie foot, on en dira un petit mot. Et puis donc, bah, pour Fleury, retour à la compétition la semaine prochaine, récupération. De toutes les joueuses et enfin elles ont déjà repris l'entraînement évidemment, mais en tout cas la suite de la compétition ce sera à domicile face à Bourg-de-Péage. Ce sera dimanche 29 à 18h et je vais regarder, mais je crois que ça doit être à Saran, parce que alors il faut savoir que le Fleury elles font toutes les salles hein, sur le secteur. Elles ont joué au Palais des Sports, elles ont joué chez elles et elles jouent aussi à Saran, celle de Saran, donc c'est compliqué hein, de s'y retrouver pour les supporters de Fleury. On va regarder tout ça, mais je crois que j'avais vu Saran, me semble-t-il, pour deux pages. Non, ce sera au Palais des Sports. Bon, bah écoute, ça a encore changé, visiblement. Donc il n'y a pas de trêve hivernale pour les filles. Elles reprennent le 29 décembre, 5 janvier, 12 janvier. Ouais, c'est ça. Elles reprennent là et non. Elle se repose pas. Oui, donc c'est ça. Ce sera au Palais des Sports. Et le suivant, face à Dijon, ce sera à Saran, par contre. Bon. C'est compliqué de s'y retrouver. C'est pareil, ça va être sympa pour elle, parce que jouer le 29 décembre, entre les fêtes, comme ça. Ouais, devait être ravi, oui. T'as intérêt de te freiner au réveillon, moi. Ouais. C'est le fameux Boxing Day. Elle doit être ravie. Mais bon, en tout cas, pour certaines, elles doivent être contentes de reprendre la compétition, parce que ça fait longtemps. Une trêve comme ça, c'est compliqué pour celles qui jouent pas. Enfin, qui sont pas appelées. Très bien, bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Bah, il nous reste à remercier beaucoup Fred, évidemment, d'être venu avec nous ce soir. Bah, de rien, merci. Et puis, on essaiera de faire un. Pourquoi pas un. On se fera une virée, je te ramènerai encore des supporters, des mecs qui viennent chanter avec nous. On vous attend, même la radio, si vous venez, vous nous prévenez, ouais, on vous accueille. Ça va de faire un duplex, pourquoi pas, depuis le stade, la salle, Curie. Sans problème. Tiens, comment ça va l'ambiance? Juste la dernière question pour terminer avant de te dire au revoir. L'ambiance justement, alors j'ai Sylvain qui est à côté de moi, il va me regarder avec des gros yeux, mais bon, moi je sais qu'il y en a deux, c'est Sylvain et Claude qui sont tout le temps là à chanter, et puis il y a deux petits bouts de chou là qui sont avec. Comment ça va? Est-ce que vous, l'équipe, comment ils le ressentent? Comment toi tu le ressens? Comment ça se passe dans le club? Parce que c'est vrai que la tribune a vraiment du mal à partir avec eux quand même. Hein. Ouais, puis ça fait longtemps aussi, tu vois, on n'a pas gagné de match, donc on peut pas non plus leur demander non plus grand chose. Déjà, nous, concentrons-nous sur nous, à leur apporter du jeu, à ce qu'on a fait en première mi-temps. Je pense que même Sylvain, il l'a senti aussi, où le public, ça l'a bougé un petit peu sur cette première mi-temps-là. Maintenant, si on leur donne ça, je pense que voilà, au fur et à mesure, ça va revenir. Et puis Sylvain, il va nous accrocher quelques personnes, et puis il va nous amener une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes, une quarantaine de personnes, et puis voilà, ça va s'accrocher tout ça, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, il manque pas grand-chose. Et tu l'as vu sur la fin du match de Bruges, où ça a commencé à pousser un peu. Tout à fait. Et ouais, effectivement, si l'équipe nous aide un peu, je suis sûr que ça peut redémarrer. Mais voilà, c'est ça, c'est donnant-donnant. Si nous, on arrive à faire du beau jeu, quoi que ce soit, vous serez derrière pour nous encourager à tout moment. Voilà. Mais je pense qu'on va y arriver. Tous ensemble, on va y arriver. Ouais, j'espère bien. Eh ben, allez-y alors. Ok, merci. Merci à toi, Fred. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt, Fred. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Ciao. Ciao. Voilà pour ce moment très sympa avec Fred. Ouais. Et on espère qu'on aura l'occasion de l'avoir à nouveau. Ben, j'espère surtout qu'ils vont se tirer d'affaires, ben oui. Qu'ils vont se sortir d'affaires et puis qu'ils arriveront à se maintenir, malgré que ce soit très délicat, très difficile, mais j'espère qu'ils y arriveront, parce que pour être allé quelques fois les voir et connaître un peu le personnage, je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment attachant et qui a vraiment envie de bien faire. Donc j'ai pas voulu le dire quand il était là, il m'écoute peut-être, mais bah, il aura mon avis comme ça. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de bien faire, qui fait vraiment pour ses joueurs et qui, on le sent aussi parfois, est un peu dépité, parce que quand on voit les joueurs qui baissent la tête, lui aussi ça lui fait mal, parce qu'il sait que des fois ça, il manque pas grand chose. Ouais. Des fois il manque vraiment pas grand chose. Bah on le voit sur certains matchs où un ou deux buts, bah ça joue rien. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il y en a un qui a sonné, je sais pas lequel. Ah, désolé. Le mien était survivreur. Alors, messieurs, j'ai les images, enfin, j'espère, de la dernière action du match de la finale. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ouais. C'est sur la gardienne qui va relancer, après un tir. Alors, c'est maintenant, je crois. Voilà. Elle relance, et c'est là qu'on siffle, c'est là que c'est sifflé. Alors, tu peux revenir un tout petit peu en arrière, parce que je m'attendais à l'action de l'autre côté, moi. Je pense qu'on va revoir ralenti. Il me semble, si j'ai bien vu, il me semble qu'il y en avait une qui était dans la zone. Ouais. Donc il faut revoir, mais bon, là on fait de la radio et de la vidéo. Oui, en alors même temps, donc c'est compliqué joli. Est-ce que tu peux nous ramener un tout petit peu en arrière qu'on voit ça? Ouais, je pense qu'on va avoir un ralenti, j'espère en tout cas. En tout cas, 6 secondes de la fin, ça, c'est le coup de poignard. Hein. Ouais, on voit les armes. Parce que là, alors elle empêchait peut-être le dégagement, c'est ça? C'est ça, elle empêchait le dégagement? Oui. Parce qu'elle est en zone pour empêcher le dégagement, parce que c'est quoi? C'est un jet de 7 mètres après? Oui, du coup, et carton rouge. Et carton rouge avec, ouais. D'accord. Bon, enfin, c'était fini, mais oui, jet de 7 mètres surtout, c'est. Donc, pénalty de l'autre côté. Bah oui, du coup, pénalty de l'autre côté. Alors, on va le revoir là. Enfin, pour ceux qui, évidemment, vous nous écoutez, vous ne voyez pas l'action, mais. Alors là, on estime qu'elle est dans la zone, mais on voit. Non, juste avant, son pied d'appui, il est dans la zone. Moi, pour moi, il est dans la zone ou sur la ligne. Donc, c'est dans la zone. Tu crois qu'il est sur la ligne? Ouais, je pense. Regarde bien son pied droit, c'est avant ça. C'est avant qu'elle saute, avant qu'elle essaie de contrer. C'est avant. Juste avant ça, vois, elle pose le pied. Alors, c'est bien. On va la voir tout de suite. Il faudra ralentir, mais effectivement, regarde bien. Là. Elle avait le pied, on aurait dit qu'elle avait le pied sur la ligne. Et effectivement, si c'est ça, c'est bien sifflé. En tout cas, l'arbitre, elle a un mètre, donc je pense qu'elle a... C'est quand même hyper rapide, faut le voir. Hein. Parce que derrière, ensuite, elle défend, elle est plus dans la zone, hein, mais elle a mis le pied, bah, ça va très vite. En fait, c'est pas au moment où elle saute, c'est avant, t'as raison. Bon, mais visiblement, ils ont bien pris la bonne décision, les arbitres français. A priori, maintenant, allez l'Espagne. Après, c'est quand même très très dur de perdre là-dessus, même si c'est vrai. Ah oui, c'est clair. Oui. Ça aurait mérité des prolongations, c'est sûr. Oui, mais alors, imagine si elle siffle pas et qu'elle contre et qu'elle marque, c'est très dur. T'as entièrement raison. Là, non, dans les deux sens, je veux dire, mais. Mets-toi deux minutes à la place de l'Espagne, imagine que c'est la France. Moi, je serais malade. Hein. Je serais malade, non, mais c'est sûr. Je suis d'accord. Il y a de quoi criser, mais je pense que s'ils ont vu les ralentis, les images. Ça se défend, mais. C'est vrai que c'est très dur. Tu fais la même chose à la mi-temps, on s'en fout. Mais là, il y a 6 secondes, tu sais que si tu prends le pénalty, c'est quasiment fini, quoi. Et la preuve, ça s'est fini comme ça. C'est compliqué, c'est pas du basket. Hein. Le basket, tu prends ton mort et le ballon revient en face du panier adverse. Là, t'as pas le temps. Ça peut aller vite, remonter, mais là, t'as pas le temps. Faut remonter en 6 secondes. Ça va trop vite. Et pour finir, le calendrier des Français, alors ils vont bien sûr jouer des matchs amicaux, faire des stages, tout ça, on le connaît hein, comme d'habitude. Mais en tout cas, pour l'Euro, ça joue dans un mois, un peu moins. France-Portugal pour démarrer le 10 janvier. Facile. Ouais. Enfin, assez facile. Ah, c'est, a priori, alors, on a quand même perdu au Portugal il n'y a pas très longtemps. Ouais. Mais bon. Dis pas ça, t'es sur une radio. On a perdu Portugal pour les Canadiens. L'ancienne, c'est quand même un peu Portugal. Donc si tu dis alors, ça, tu vas te faire. Ce qui est marrant, c'est qu'on. Attraper, toi. Ce qui est marrant, c'est qu'on les a rencontrés, je crois, dans le groupe de qualif. Voilà. Puisqu'on a fini devant eux. Ouais. Et on les rejoue dans l'Euro. C'est quand même pas terrible. Quel est le tirage? Quel est ce tirage bizarre? Bon, en tout cas, on rejoue le Portugal tout de suite. Le 12 janvier, la Norvège, ça va être un autre calibre. Là, c'est autre chose. Ouais. Et le 14 janvier, la Bosnie. Alors, il y a 2 jours de récup à chaque fois. Donc, la Bosnie pour finir. Évidemment, vous savez qu'on va encore jouer un fameux tour principal. C'est comme d'habitude. Voilà, on va se regrouper. Alors, c'est un peu différent. On n'est pas sur un groupe de 6, mais sur un groupe de 4. Et ensuite, on va reformer 2 groupes parmi les 6 groupes. Au démarrage. C'est compliqué. T'es en train d'embrouiller tout le monde. Simple, là. C'est bon. Moi, j'écoute déjà plus. 6 groupes au démarrage de 4 équipes. Oui. 24 équipes. Et ensuite, on va faire 2 groupes pour le deuxième tour. 2 groupes de 6. Oui. Donc, il faut terminer dans les 2 premiers. Voilà. On en garde 12. On en garde la moitié. Et ensuite, on sort des demi-finalistes. Donc les deux premiers parmi les six. Ouais, c'est mieux qu'à l'Euro de foot où il faut, t'as des poules de 4 et les 3 premiers passent. Ça ouais, hein. Bientôt les 4 premiers passeront. Bientôt tout le monde se qualifie. Très bien. Bon, on referme la page. Oh, parce que... Ouais, on a été long. Ouais. Mais bon, c'est on avait beaucoup de choses à dire et c'était. Oui, puis il y avait un invité, donc c'est un peu logique de passer un peu plus de temps. Évidemment. Enchaînons très rapidement, il est 22h25, avec la partie ski. Pour vous dire que Cocorico en français a gagné au Val d'Isère, en plus à domicile, c'était lors du slalom du Val d'Isère. Voilà, et c'est donc Alexis Pinturo qui a remporté les deux étapes. Hein. Les deux manches. Les deux manches également. Donc c'était évident, et en plus il a presque 2 secondes d'avance, j'exagère, 1 seconde et demie sur le deuxième qui est André Mirror, que je ne connais pas, le Suédois. Et Stefano Gross, un Italien, qui est troisième. Et Christophe est seulement quatrième. Alors seulement parce qu'il est habitué au podium. Et Victor Mufajourné, qui est le deuxième français, est huitième. Et puis cette semaine, il y aura une deuxième étape. Alors elle devait se jouer normalement samedi, mais ça n'a pas pu. Donc ce sera cette semaine, la deuxième étape, enfin la deuxième course. Vendredi, ce sera un super G cette fois. Toujours au Val d'Isère. Et puis donc concernant le classement, bah, Alexis Pinturo a pris la tête du coup. Devant Christofferson. Alors c'est très serré, puis il y a encore beaucoup de courses, mais en tout cas, il a pris la tête, le français, donc bravo pour l'instant dans cette saison de ski alpin. T'as le droit de rechanter le Cocorico si tu veux. Pourquoi tu veux que je chante? Non, mais oui, ah. Tu nous faisais Cocorico, ouais, bah. Vas-y, hein, tu peux y aller, t'as jamais. Alors bah, on peut en faire un pour les français du biathlon et les françaises. Alors on avait c'était un peu particulier, alors je savais que chaque semaine ça change au biathlon, on joue jamais les mêmes compétitions. Cette semaine, on avait un sprint et une poursuite. La poursuite suit le sprint, puisqu'on garde les écarts du temps qui sont enregistrés sur le sprint. Je ne sais pas si c'est très clair. On part, en fait, tu pars suivant les écarts. C'est-à-dire voilà. Que si tu as 10 secondes de retard dans ton sprint, tu pars 10 secondes après les autres dans la poursuite. Après le vainqueur. Voilà. Pour le coup, Johannes Bö, qui a remporté ce sprint encore, malgré une erreur au tir. Simon Détieux, c'est le premier français sur la course, qui a fini deuxième à 7 secondes. Une pénalité également. Alors, il était prenable, le Norvégien, puisqu'il a fait une erreur. Mais malheureusement, personne n'a réussi à faire le sans faute. Il a été très fort ce week-end. Ouais, il a été énorme. Simon Détieux, qui était pas loin de faire le sans faute, il a raté. Martin Foucan, qui, avec un sans faute, aurait gagné, a fait deux. Il a fini dixième. Et puis derrière, on a Loginov, les Russes qui sont bien placés. Hein. Loginov et Eliev qui reviennent très bien. Tarjebo aussi, le plus grand frère des Bœufs. 6e, qui fait aussi un beau début de saison. Et puis la poursuite qui s'est enchaînée samedi, et bien Johannes Bö, sans problème, qui a en plus qui s'est permis le luxe de faire un sans faute, un 20 sur 20 au tir, qui du coup s'impose largement devant Loginov, le Russe, qui lui aussi fait le sans faute. Émile Jacquelin, premier podium en carrière, c'est très bien. Il a aussi réalisé un sans faute, alors que lui, il partait plus loin. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment une équipe de France cette année où il y a tout le monde qui est capable d'être sur le podium. Donc, c'est jamais le même. C'est toujours un différent. Et quand ils font pas 1, 2, 3, 4. Mais c'est vrai que c'est vraiment super cette année. C'est énorme. On a une très belle équipe. Pour vous dire que sur une poursuite, il peut tout se passer. Emilien Jacquelin, il partait, alors 18e, ça, à la limite, c'est pas important le classement, mais c'est surtout son temps. Il partait avec presque une minute de retard sur Johannes Bö. 55 précisément, et au final il prend la troisième place puisqu'il réalise un sans faute. Alors évidemment le biathlon c'est du ski, mais c'est aussi du tir, et là on le voit bien puisqu'il finit troisième. Simon Détieux cinquième avec une pénalité, lui qui est parti qui était deuxième au démarrage. Fabien Claude dans notre français huitième, Quentin Fillon-Maillet neuvième et Martin Foucault dixième. On a 5 français dans les 10 premières places. On peut pas faire mieux, si vous allez me dire, puisque Antoine Guenal, dernier français, 26e, mais il est parti beaucoup plus loin. Mais on a une équipe de France qui est quand même énorme cette année. Alors, il y a eu un petit accrochage entre Quentin Fillon-Maillet et Martin Fourcade à la suite de la course, puisqu'ils se sont rentrés dedans sur un virage. Bon, ça fait parler pendant quelques temps. Ça a fait parler la presse surtout, parce que tu as vu, ils ont vite remis les choses en ordre. Hier, ça s'est terminé. Non, mais aussi bien Martin que Quentin Fillon-Maillet, ils ont tout de suite annoncé à la télé, quand ils sont passés hier, que tout était résolu, qu'ils avaient bu un verre ensemble et qu'ils avaient discuté. Hier, c'était fini. Attends, c'est l'équipe de France, c'est intelligent, tu t'arrêtes, tu discutes, et puis tu dis, voilà, ok, t'as le droit de faire une erreur, t'as le droit de te cogner dans un gars, je veux dire, qui n'a jamais fait ça dans une course. Et alors, des deux, lequel serait fautif? Apparemment Fourcade, d'après ce qu'on disait, puisque Quentin Fillon-Maillet essaie de prendre l'intérieur pour le doubler, Fourcade le serre pour qu'il passe, et les résultats, ils sont tombés tous les deux, ils étaient 7 et 8, ils finissent 9 et 10. Bon, ils ont perdu quelques places. Bon, après, ça va pas. La saison, j'espère qu'elle jouera pas. C'est sûr qu'elle jouera pas là-dessus. En tout cas, lui, Fourcade, lui, il dit qu'il faut pas essayer de doubler à ce moment-là la course sur un virage. Bon. Ah, okay. Ouais, peu importe, c'est sans intérêt. Bon, en tout cas, ça s'est réglé gentiment et on les retrouvera cette semaine réconciliés. Bien sûr. Alors là, ce qui se passe aussi, c'est que cette semaine, Martin Fourcade est arrivé avec le dossard jaune. Bon, il l'a reperdu très vite. Malheureusement, dès les sprints. Ah bah, quand tu vois le week-end de Johannesburg. C'est compliqué de faire mieux. Et puisque Johannesburg a aussi remporté le relais avec son équipe de Norvège. Jonas Dahle, Bjørn Thorgaard et puis son frère Terje Bø. Alors, ils n'étaient pas bien partis après. C'est Dahle qui a tout mis en l'air. Là, il a fait trois fautes. Enfin, ouais. Il a fait trois pioches. Bjørn Thorgaard aussi qui n'a pas arrangé les choses. Ouais. Là, par contre, les frères Bø, ils ont remonté un écart énorme. C'est Johannes qui a tout remonté sur la fin. Hein, comme d'habitude. L'Allemand est parti avec 40 secondes d'avance, je crois, sur Jonas Bø dans le dernier tour. Et l'autre, il remonte, il coiffe sur le fil. Hein. C'est ça, 2 secondes d'avance, oui. Mais tu vois aussi, je sais plus quel était le dernier relayeur allemand là. Bénédicte Doll, oui. Bénédicte Doll. C'est vrai que Doll, on l'a vu à l'écran. Hein, ça s'est vu. Il était quand il est arrivé sur le pas de tir, il a tremblé. Il n'était pas sûr de lui et on sentait qu'il y avait une énorme pression. Les Allemands, depuis le début de la saison, ils ont du mal, oui. Ouais, justement. Donc on a senti la pression en lui et je pense que c'est là qu'il a perdu la course. Ouais, c'est vrai. Deuxième place quand même pour l'Allemagne, et puis la France, troisième, sans Martin Fourcade, sans Simon Détieux, qui eux sont préservés pour la semaine prochaine. Donc quand même avec un bon Guigona et Jacquelin, Claude Quentin Fillon-Maillet, ça a de la gueule. Ouais, c'est correct, hein, c'est très correct. Hein. À 50 secondes, bon, 8 pioches, il y a un tour de pénalité qui a fait la différence. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la semaine prochaine, c'est au Grand Bornand. Et oui. Et le Grand Bornand, bah, forcément, c'est en France, c'est que les Français veulent se montrer, veulent tout casser. Il y aura la première Mastart de la saison. Donc, et oui, c'est important, ça. Ils veulent être là, présents au rendez-vous, c'est chez nous, c'est en France, donc ils veulent vraiment être présents au rendez-vous. On l'a entendu, hein, tout le week-end, ils ont pas arrêté d'en parler. Et je pense qu'ils risquent d'être très, très forts ce week-end. Ah oui, ça c'est sûr. L'année dernière, ça avait été le cas. Chez les femmes, Dora Tarvirer qui remporte le sprint. La poursuite qui a été remportée par Thierry Lekhoff, la Norvégienne. Bah, la Norvège aussi qui est présente, puisque Tendrevold, la Norvégienne, fait 3e. Et puis bah, le relais, bah, sans surprise, c'est aussi la Norvège. Au classement des nations, la Norvège est première. Bah, sans souci. La Norvège qui a remporté hommes et femmes les deux derniers relais, hein, la semaine dernière et cette semaine. Je crois que ça fait combien, 5 fois, je crois, que le relais norvégien homme gagne la course, hein, le relais. Ouais, c'est ça, c'est énorme. Norvège, Russie, Suisse pour le classement relais femmes, la France 7e seulement, avec bah, trop d'erreurs au tir. Hein. De toute façon, ça fait, y a pas de. Y a mais pas le biathlon, c'est ça, hein, c'est le ski, mais c'est également le tir. C'est aussi le tir, donc, beaucoup, ouais. Au classement, donc pour le dossard jaune, c'est Jonas Bø qui est devant, 211 points. Loginov, 177. Simon Détieux, 175. Terje Bø, 168. Et Martin Fourcade, 162 points à la 5e place. Et puis, il y a encore 2 Français derrière. Émilien Jacquelin, 7e. Quentin Fillon-Maillet, 8e. Et Fabien Claude, 11e. Alors, vous vous rendez compte quand même, on a 5 Français, quasiment. Avec 4 dans le top 10 et 1 au port des top 10. Non, mais justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Là, c'est le tir groupé qui est joli. C'est ça, justement, qui fait leur force. Quand c'est pas un, c'est l'autre. C'est toujours ça. Hein. Donc voilà. Bon, il reste beaucoup de courses. Jonas Bø annoncé qu'il manquerait peut-être 2 étapes en début de saison, en début d'année prochaine, puisque il va être papa. Donc il a décidé de faire une pause. Alors est-ce qu'il manquera 1 ou 2 étapes? On ne sait pas. Donc ça peut, c'est le moment de prendre des points. Ça dépend de la façon dont il va l'arroser. Oui, c'est ça. Et avant ça, donc bah, bien sûr, la dernière étape de la saison, ce sera, tu l'as dit, Annecy, le Grand Bornand. Alors là, c'est le classique du biathlon, le sprint, la poursuite, la mastart. C'est le top du top. Hein. Là, je pense que là, on va avoir un Martin Fourcade qui va être remonté. Qui va être énorme. Ouais, je pense. Ouais. Le programme, ce sera le sprint homme, ce sera jeudi. Le sprint femme, vendredi. Les poursuites samedi et les mastart dimanche. Programme de fou sur l'équipe. La chaîne L'Équipe qui diffuse encore une fois cette année cette saison de biathlon. Et donc, bah, ce sera les hommes d'abord et les femmes ensuite. Concernant les poursuites et les mass-start. Donc ça va être un beau week-end et on espère bah, des médailles, évidemment, pour conclure la saison, l'année pardon, en beauté. Voilà pour le biathlon. On va marquer peut-être une petite pause, quoi qu'il est déjà pas très tôt. On va faire un point direct, par contre, parce que ça a bien bougé depuis qu'on n'a pas été voir. Guingamp est mené 1-0 face à 3. Et on est dans le temps additionnel. Plus de Kouyaté à l'heure de jeu, donc bah, c'est bien parti pour 3, même si on c'est pas tout à fait terminé. En Angleterre, Crystal Palace et Brighton sont à 1 partout. Il reste quelques secondes aussi avant la fin de cette rencontre. Et puis en Italie, Cagliari mène toujours 1-0 face à la Lazio. Il reste là aussi quelques secondes. Ça tient toujours pour Cagliari depuis l'ouverture du score à la 8ème minute. Au Portugal, le Sporting s'est imposé 4-0, donc comme prévu à Santa Clara. Et le FC Porto mène désormais 2-0 face à Tondela, alors que le match a repris depuis 4 minutes. Voilà les directs ce soir. Une petite pause et ensuite on va revenir pour du basket. On va essayer de faire un condensé assez rapide. Ça va être compliqué, mais on va essayer. Du rugby, là aussi, on fera un tour par les Coupes d'Europe. Puis on finira par le foot. Et Jérôme qui sera avec nous à partir de 23h. Alors d'ici 23h, il faut qu'on ait tout bouclé, les gars. Voilà, okay. Voilà le projet. Et ben, un coup d'accélérateur. Pour cette prochaine demi-heure. Le titre, tout de suite, c'est Clinton Fearon. Clinton Fearon, oui, c'est bien ça. Et il était à l'Astrolabe il y a quelques semaines. Et bien, c'est parti pour ce titre que je te laisse annoncé. Moi, je sais plus ce que je t'ai demandé. Richman pour man. C'est ça. C'est ça à peu près. Richman pour man. Allez, c'est parti. Et on revient juste après 3:44 exactement. À tout de suite. 22h36 sur Arc-en-Ciel. Form of reaction. Yeah, if you slip down, fire, fire, burn you. You play with puppy, puppy, lick your mouth. So stand up strong, you got to know where you belong. Say the weak ones now will soon become strong. Hey, everything will soon be okay. As soon as the war is over, the children will be free to come over. Singing and dancing, ready to have a little choisi la bonne version. Ouais, visiblement. Ah, ça a coupé par endroits, c'était pas... Richman Poorman, donc pour ce titre. Ouais, il est en tournée exceptionnelle en France, c'est un Jamaïcain, hein, ouais, l'un des rois du reggae. Et il est en tournée en France et il est passé à l'Astrolabe d'Orléans, j'y étais, c'est il y a à peu près un mois et demi, à peu près. Ouais. C'est un super concert dans la grande salle de l'Astrolabe. Donc bah, un petit clin d'œil à ton prédécesseur, oui, justement, Manu, à Manu qui était pas allé, il m'a dit qu'il était pas allé, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, mais qui lui est un adepte de l'Astrolabe et des grandes salles et des petites salles de l'Astrolabe. Tout à fait, oui, qui en voilà. Parle régulièrement dans l'émission. 3 qui mène toujours 1-0 à Gallo, c'est pas fini. 98ème minute. 98ème, je sais pas ce qui s'est passé, il a dû y avoir une VAR. Il a dû y avoir un problème. Il a dû y avoir une VAR parce que pour ouais, ouais, ouais. Blessé ou autre. Non, il n'y a pas de VAR en D2. Des fumigènes, peut-être des fumigènes. Peut-être des fumigènes, enfin peut-être. À Guingamp ? Ouais. Ah oui. Ou, ouais, peut-être, ouais. Ou peut-être des incidents, parce que je sais que les supporters de Guingamp, ils sont un peu en conflit avec leur direction, peut-être. Ouais, peut-être qu'ils allaient pêcher la crevette et puis qu'ils se sont plaints. enfin bon, il y a des rouges, hein. J'ai vu qu'il y avait des cartons rouges. Il y a eu un rouge côté Guingampais. C'est peut-être ça, alors il y a peut-être eu un problème. 7 minutes de temps additionnel annoncé. Bon, on a dépassé, mais ouais, il y a des petits soucis. Je me permets de te couper juste un instant. Je voulais faire un petit coucou à Florent Amigo qui m'a fait un petit coucou là, j'ai vu sur mon téléphone. Donc, Florent, si tu nous écoutes, je te fais un grand bonjour. Ça fait plaisir de voir que tu es toujours présent et que tu travailles toujours pour d'arrache-pied pour faire les podcasts. Exactement, et celui-ci sera disponible. Aller vers minuit et demi, une heure, en début de nuit. Merci voilà. Florent et salut à toi. Et puis c'est fini en Angleterre, hein, partout le score au final entre Crystal Palace et Brighton. Et puis c'est pareil, il y a beaucoup de traditionnels en Italie. 1-0 pour Cagliari face à la Lazio, 95e. Puis Porto qui a marqué encore, 3-0. Du basket, tout de suite. Allons-y. Avec pour commencer la 13e journée de Jeep Elite, qui est le nouveau nom de la. Enfin, depuis un petit peu maintenant. Ouais, depuis 2 ans. Ouais, quasiment. Ouais, c'est vrai, ça commence à faire. Hein. On s'habitue à tout. Hein. Ouais, tout à fait. Les victoires de Strasbourg, qui étaient s'imposées à Gravelines, je vais pas vous faire tous les résultats, mais les principaux. L'Asvel, bah, évidemment, à domicile, qui a encore gagné face à la OLB. Le score 97-80. Ce qui n'est pas illogique, mais à la mi-temps, il y avait un point d'avance hein, seulement pour l'Asvel. Ouais. Ah, ça s'est joué dans le dernier carton, en troisième et le dernier carton surtout. Bon, bah, dommage, mais on l'attendait quand même. Monaco qui a battu le Boulogne, qui tient bien aussi en haut de tableau. Et puis Dijon aussi qui a gagné face à Limoges. Au classement, ça nous donne l'Asvel, qui est évidemment leader puisqu'ils n'ont pas perdu le moindre match. 13-13, c'est rare. Hein. Je me rappelle, moi, d'une. Alors, c'était pas du tout en GP, c'était en NBA. C'était les Warriors qui avaient démarré par combien ? Ils avaient 18, non ? 19 ? Il n'y a pas un petit problème, là ? À quel niveau ? Bah, je sais pas, tu me dis 13 victoires en 13 journées, je vois 8 et 6. Oui, à domicile, si c'est à l'extérieur, 8 et 6, ça fait pas 13. Hein. Enfin bon, alors je suis plus compté, mais. Mais ils ont dû oublier. J'ai pas une calculatrice dans la tête, mais il me semble que ça fait 14. Bah, tout le monde a joué 13 matchs. Il y a une erreur quelque part sur ton classement, hein, mais je sais pas où. Donc si tout le monde en a joué 13, à mon avis, ils en ont rajouté un à côté. Là. Il y a une à domicile en trop. Ouais. Puisqu'ils peuvent pas avoir joué 2 matchs de plus en domicile. Je sais pas, du tout. Il y a dû avoir une petite erreur. Enfin bon, c'est 13 souvent. C'est ça. Et oui, je me rappelle une saison en NBA, c'était ouais, les Warriors, il y a deux ou trois saisons, je sais plus, mais 18, ils ont fait 19. ils ont fait vraiment fort. Bon, en tout cas, ils sont bien partis, ils ont 13 déjà. Ils avaient perdu, je crois, que 7 matchs dans la saison, je crois, sur les 82 de la première phase. C'est incroyable. Ouais. Sur 82 matchs, ils avaient dû en perdre que 7. Là, ils sont très loin. Là, ils vont gagner que 13, tu vas voir. Ah bah cette année, ça a énormément changé. Ouais. Hein, on en parlera dans un instant. Ouais, on peut parler. Monaco Dijon deuxième. Égalité. On a ensuite derrière à 3e place Boulogne. Strasbourg est 7e. Le Mans est 12e. Orléans est 15e. 15e avec Gravelines, avec Rouen à égalité. Oui, mais Orléans s'est déplacé à Monaco et Orléans s'est déplacé à l'Asvel. Orléans a fait pas mal de déplacements chez les gros. C'est vrai. Donc pour recevoir les gros et puis ensuite prendre quelques points encore. Mais je pense j'ai confiance dans l'équipe d'Orléans cette année. Il y a une belle petite équipe. Chalon et Le Portel ferment la marche. La prochaine journée, alors là on joue pendant la trêve. Enfin en tout cas il n'y a pas de trêve, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de trêve hivernale, on joue pendant les vacances. Ce sera d'abord cette semaine. Alors l'Asvel qui a déjà joué son match de cette 14e journée, puisque l'Asvel joue l'Euroleague et vous savez que l'Euroleague c'est en semaine. C'est pour ça que c'était décalé Orléans d'ailleurs, je crois que c'était je sais plus quand dans la semaine. Là. C'était dimanche soir. Dimanche soir, c'était après les autres en fait. Ouais. Avant le c'est samedi, ils ont joué dimanche. Puisque l'Asvel joue le vendredi ou le jeudi en Euroleague. Ouais, c'est ça. L'Asvel donc déjà a battu. Alors là pourquoi l'Asvel a un match de plus que les autres, puisqu'ils ont déjà joué leur match de la 14e journée face à Boulazac. Donc c'est bien. Oui, mais il n'est pas comptabilisé à côté. Voilà, c'est bien 8 et 6, mais c'est 14. C'est 14 victoires. Voilà. D'accord. Donc c'est voilà. Donc ils ont bien un match d'avance, mais c'est normal. Et du coup, ils poursuivent leur série, c'est ce qu'ils veulent dire. Et les autres matchs, enfin en tout cas celui qui nous intéresse, c'est Orléans qui reçoit Le Mans. Et ce sera vendredi soir à 20h30, évidemment, au Palais des Sports. Allez-y, soutenir Orléans face au Mans. Ouais, juste un petit message à ce niveau-là, parce que tu dis allez-y, c'est bien, ouais. Moi, je suis content, j'aimerais bien y aller, mais j'y vais moins souvent qu'avant, parce que je trouve qu'ils ont été un peu plus, un peu moins sympas avec les supporters, quoi. Ils allument un peu quand même. D'accord. Ouais. Donc, si quelqu'un m'entend, on sait jamais, hein. Bah, écoutez, baissez un tout petit peu vos prix, je pense que vous pourriez revenir à quelque chose de plus cohérent. Vous savez, comme aujourd'hui, les gens, c'est difficile pour tout le monde, hein. Moi, je disais, les places à 25 balles, tu y vas avec une famille, avec deux enfants, tu m'as 25 euros, là. Bah, je sais plus, oui, il y a des places à 25, il y en a peut-être des moins chères, mais carrément en haut dans les virages, très mal placées. En tout cas, pas top. Ouais. Quoi. Des places correctes, tu commences à en avoir à 25 euros, quoi. Ça peut être sympa, 25 euros. Mais 25 euros, tu vas avec deux enfants, t'es allé en famille avec deux enfants. 100 euros, quoi. Ouais, t'as un billet de 100 balles, plus ce que tu vas mettre à la buvette, plus ce que tu vas mettre après au resto, parce que forcément, les enfants vont te réclamer un petit truc. Bon, voilà, je te fais pas de pub, hein, mais tu vas aller manger un truc quelque part. Souvent, ça te fait les soirs à 150 ou 200 balles, donc faire ça deux fois dans le mois. Les gens ont pas forcément les moyens de se faire ça tout le temps, donc je pense que ce serait pas mal du côté de l'OLB de réfléchir un petit peu à ça aussi. Bon, écoute, voilà. On verra. C'est ton message coup, est passé. Mon petit coup de bouche passé. Non, mais t'as raison, parce qu'on en a parlé l'autre jour, hein. Quand tu m'as donné le prix des places, j'ai été très surpris. A contrario, quand tu vas à l'USO par exemple, quand je vais à l'USO, enfin j'irai peut-être plus cette année, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais quand je vais à l'USO, c'est 3 euros la place en pourtour, donc tu payes 3 euros. T'es plus 5, c'est 3 ? Non, c'est 3. Ah, ils te font les places à 3 euros, donc à 3 euros, tu m'excuseras, mais là, tu peux aller voir tous les matchs en famille. Là, ça pose pas de problème. Mais... même à 10 euros en tribune, en tribune Wagner, c'est honnête. Tu peux y aller, 10 euros, ça va. C'est correct. C'est vrai. En tout cas, Orléans reçoit Le Mans, qui est juste devant. Donc, il serait très intéressant de s'imposer vendredi soir. Et après, puisque ça ne s'arrête pas, ce sera le 23 décembre, ils iront à Boulazac. Et le 27, ils recevront Chalon. Voilà, donc. Ah oui, donc il n'y a pas du tout de. Ah non, on joue deux jours avant Noël, on joue deux jours après Noël. Quand on va parler de la NBA, il y a pire que ça, ils jouent le jour de Noël. Hein. Oui. Ah oui, t'as un Clippers Lakers ou Lakers Clippers, je sais plus. Il joue le jour de Noël. Le 25 décembre. Je peux te dire qu'il y en a un où il attend que ça à la maison. Oui. Voilà, donc oui, ça va être énorme encore. C'était le match d'ouverture, ce match-là, le derby de Los Angeles là. Les Clippers ont gagné d'ailleurs, et le deuxième match de la série, Clippers Lakers, ça va se jouer encore là, et ça va jouer le 25 décembre, le soir de Noël. Et ben voilà. Donc voilà. Donc les matchs sont un petit peu avancés, mais t'imagines, tu fais le réveillon, les autres sont en train de jouer. Hein. C'est ça. Donc voilà. Passons en Coupe d'Europe, l'Euroleague, où l'ASVEL est notre représentant cette année. L'ASVEL qui a gagné cette semaine, la semaine dernière, pardon, face à Milan. Ils sont pas mal cette année, l'ASVEL. Ouais. Hein, ils font des beaux résultats. Ouais. Ils ont battu les Grecs. Olympiakos, les deux d'ailleurs. Ils ont battu les Turcs aussi, Galatasaray, je crois. Ils ont fait des sacrés bons résultats quand même. Hein. Et là, donc victoire à domicile. Ce qui permet à l'ASVEL d'être pile à la moitié du tableau. Ils sont, 10e sur 18, ils sont quasiment à la moitié du tableau. Puisqu'il y a une égalité avec la 9e place, donc ils sont très bien placés. Donc voilà, pourvu que ça continue pour cette Euroleague. Alors, on joue finalement un championnat, puisqu'il y a 34 journées en Euroleague. C'est énorme. On sent que notre ami Tony Parker, il a mis les moyens quand même dans son club. Ah, ça se voit. On sent aussi que, je vais avoir des yeux qui vont fusiller, là. Mais on sent que Jean-Michel, il est arrivé là-dedans. Il a mis un peu d'argent quand même, mais voilà, ça y est, ça décolle. C'est mercredi, l'ASVEL qui se déplace au FC Barcelone. Bon, ça va être compliqué. Barça qui est troisième, qui n'a perdu que 3 matchs, mais bon. Il n'y a pas de pression pour l'ASVEL, donc il va y aller décontracté. C'est ouvert. Donc voilà, ce sera la prochaine rencontre pour l'ASVEL. Chez les femmes, toujours en Euroleague, là aussi on a des représentantes. Bourges, qui est quatrième, notre équipe de Bourges s'est imposée cette semaine. Donc qui permet à Bourges d'être à la moitié, voilà, quatrième. Et puis dans l'autre poule, on retrouve deux clubs, bon, par contre, qui ont des résultats tout à fait différents. Montpellier-Latte qui est troisième avec 11 points et Lyon-Lasvel, voilà, l'équipe de Lyon mais féminine, qui est huitième et dernière. Voilà, la saison est encore très longue, il y a encore beaucoup de matchs, donc pas d'inquiétude pour l'instant dans cette Euroleague. Et puis pour finir dans les Coupes d'Europe, nos autres clubs français en Coupe d'Europe, l'Eurocoupe. Alors c'est vrai que basket c'est quand même compliqué, on a l'Euroleague, on a l'Eurocoupe et on va parler après de la Ligue des Champions, ça fait quand même beaucoup, hein. Alors on se dit ça, mais au foot ça va être pareil bientôt. Hein. Ouais, il va y avoir des coupes. Enfin bref. Donc Monaco qui se passe très bien dans sa poule d'Eurocoupe cette fois, qui s'est déplacé, qui s'est imposé, donc qui est deuxième. Monaco c'est costaud aussi. Hein. C'est costaud cette année aussi. Hein. Limoges, en revanche, rien ne va plus, qui est dernier, qui a gagné que 2 matchs pour l'instant et qui s'est incliné face à Venise à domicile. Donc dernière place, mais bon, la saison est encore longue. Hein. Nanterre aussi, qui est pas très bien, qui est 5e dans cette poule d'Eurocoupe. Et puis voilà, c'est tout, 3 clubs français en Eurocoupe et en Ligue des Champions. On retrouve là aussi des clubs français. En fait, tout le monde joue quasiment les coupes, comme le rugby. Ah, c'est, voilà, c'est ça. Ouais. Hein, c'est ça. Strasbourg 4e de sa poule sur 8. Pau qui est très mal, qui est dernier pour le moment. Et puis il m'en manque un, c'est Nanterre, me semble-t-il. Non, c'est Dijon, bah voilà, qui est 2e, donc qui est même égalité avec le leader, les Allemands de Bonn. Donc tout va bien pour Dijon et la saison qui s'arrêtera au mois de février. Bonn, rappelons-le, qui est l'ancienne. Pardon. Bonn, qui est l'ancienne capitale d'Allemagne. D'Allemagne. Je vais te souffler parce que tu n'avais pas compris ce que je voulais dire. Non, de l'Est, de l'Ouest. L'ancienne capitale allemande, avant que Berlin prenne le relais, mais voilà, oui. Avant qu'il y ait la chute du mur, etc., ouais. En 89. Oui, 89, c'est ça. Ouais. Bah oui, j'étais à Berlin en 84, donc oui. Oui, il était encore là, a priori. Voilà pour le basket en Europe. Passons du côté des États-Unis. Alors, on ne va pas avoir beaucoup de temps, mais on va parler déjà des quelques résultats de la nuit dernière. Alors, il n'y a jamais beaucoup des matchs la nuit du dimanche au lundi. Il y en avait 4. La victoire des Lakers qui tourne très bien vers au classement. Ils sont en tête. Ouais, c'est ça. Tu peux le dire, ils sont en tête devant les Clippers. Hein, c'est Los Angeles. C'est les deux clubs de Los Angeles. Ouais. C'est imposé à Atlanta pour 5 points d'avance. Brooklyn a battu Philadelphie à domicile. Et Denver qui a battu aussi à domicile New York. Et enfin, Sacramento a été imposé largement, il faut bien le dire, chez les Warriors. Alors je sais pas du tout, je veux pas te contredire, te contrarier, mais en général, lorsque les matchs aux États-Unis, quand ils sont marqués, en général, le club qui reçoit, et c'est à l'envers. C'est à l'envers. Ouais, donc oui. Je sais pas si là, comme c'est l'équipe, je sais pas si c'est à l'envers, si c'est pareil. Mais quand tu regardes les classements sur les, moi je regarde les sites américains pour voir les classements, et à chaque fois l'équipe qui reçoit, en fait, c'est la deuxième équipe. Donc, d'accord. Tu vas sur un site de l'NBA, tu vas voir, et tu vas avoir les matchs. Mais on va regarder tout de suite. Bien sûr, tu peux y aller, il y a pas de problème. C'est bien ça. C'est bien ça. A priori, c'est bien. Alors là aussi, on n'est pas sur. Je sais pas, j'ai pas regardé cette nuit, mais voilà. Je peux par contre te citer une petite chose, par contre, qui est intéressante à savoir. C'est la blessure importante du joueur de Dallas, Luka Doncic, qui s'est blessé cette semaine. Il va être blessé pour 15 jours. En fait, il a le pied qui s'est posé sur le pied d'un adversaire et la cheville a tourné. Et il s'est retrouvé au bout d'une minute 30 de jeu à sortir du terrain et à ne pas rejouer. Voilà, et Luka Doncic, c'est l'un des joueurs qui a le mieux débuté la saison. C'est un joueur qui fait des super super matchs et qui réussit vraiment très très bien cette année. Voilà, avec Dallas. Coup dur. Voilà, coup dur pour eux et forcément ça se répercute aussi sec, hein. Dès qu'il est plus là, ça commence à perdre. Voilà. Alors que derrière, on a des clubs comme Houston. Hein, je vais te laisser faire la suite du détail, mais vas-y. Milwaukee, donc on va parler d'abord de l'Est. C'est Milwaukee qui est en tête, qui a gagné 24 matchs, seulement 3 défaites. Qui est très bien en tête de cette conférence. On va faire le top 8. Hein, Miami. Les Bucks avec Giannis en tête au Punko. Ouais. Je te laisse le répéter. Le grec, voilà. Deuxième place pour Miami. Philadelphie, 3e. Boston, Toronto, Indiana, Brooklyn et Orlando pour le top 8. En bas, on retrouve New York. Les Knicks. Sont derniers, ouais, pour l'instant. Les Hawks, ouais. et les Cavs qui vont très très mal. Les Cavaliers de Cleveland. On en parle souvent, ouais. Ils étaient champions il y a 6-7 ans, ils étaient champions pendant quelques années. Ça fait bien 6-7 ans. Il y avait LeBron qui était là-bas, et depuis que LeBron est parti, ça a complètement dégringolé. Et puis l'année dernière, il y a eu encore des départs de chez eux et là, c'est terminé, quoi. Les Cavs, c'est plus que l'ombre des Cavs. À l'ouest, les Lakers, le même bilan que Milwaukee, en fait, 24 victoires, 3 défaites, donc ils sont logiquement en tête. Les Clippers sont deuxième, un bilan un petit peu moins bon, mais qui reste quand même énorme. Hein. Denver, Dallas, Houston, Utah Jazz, Sacramento et Oklahoma City dans le top 8. Rappelons que les 8 premiers sont qualifiés pour les playoffs après. Hein, il y aura les 8 de l'Est et les 8 de l'Ouest. Alors ça va être un peu différent, je crois. Je ne sais plus si c'est dès cette année que c'est différent ou l'année prochaine. Ça va changer un peu. Donc on va avoir des trucs différents. Ils vont faire. Mais ça va être aussi différemment. Ouais, pour les drafts aussi, ils vont faire des changements. J'ai pas trop suivi encore, je me suis pas trop encore intéressé au truc. Mais bon. Ça va venir, ouais. En tout cas, mon favori, moi, cette année, c'est les Clippers. Ça fait plaisir à mon fils. Mais je crois qu'ils ont une équipe qui s'est vraiment renforcée. avec l'arrivée du champion en titre, Kawhi Leonard. Kawhi Leonard qui arrivait avec aux Clippers avec avec Paul George. Quand tu mets les deux ensemble, les deux réunis ensemble, je peux te dire que l'équipe elle tourne avec des gars comme Montrezl Harrell. Il y a quand même une belle équipe. Il y a vraiment une équipe qui est taillée, qui a l'étoffe d'un champion. Maintenant, la lutte va être compliquée. Ça va être dur. Oui. Je ne mets pas les Lakers devant. Hein. Moi, les Lakers, moi, seront derrière. Pour moi, les équipes qui peuvent les battre, c'est Houston, c'est des équipes comme ça, qui peuvent arriver à faire quelque chose. Même Dallas, qui fait une belle saison. Et quatrième. Il y a des équipes qui peuvent être devant. Mais en tout cas, les Clippers, pour moi, c'est mon favori. Bah écoute, on verra. Les Spurs sont 11e seulement. Ouais. Avec 40% de victoire. Hein, 10-15. Ah oui, mais Tony est plus là. Et oui, c'est ça. Et puis, on le disait. Ginobili non plus d'ailleurs. Oui. Ils ont perdu du monde. Hein. Mais ils ont perdu du monde. Les Warriors, dernier. 5 victoires, 23 défaites. C'est le total pour l'instant. Alors, on disait 13 victoires consécutives. Non, 13 défaites toutes. Dans 7, tu m'avais dit. Il est en train de s'envouiller. Je sais pas ce que tu me dis là. 18 victoires consécutives. Non, 7 défaites dans la saison seulement, tu m'avais dit. Oui, ça doit être ça. 7 ou, je sais plus, c'est 7 ou 11. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Je vais dire, il y aura que 7 victoires. Ça. Non, peut-être pas quand même, mais ils en ont déjà 5. Mais il n'y aura pas beaucoup quand même. Hein. A priori. C'est vrai que quand on voit des équipes comme ça en début de saison qui sont derniers, ils remontent pas. Hein. C'est rare. Hein. NBA. Bah, c'est compliqué, hein. C'est clair que c'est compliqué. Cette nuit, au programme, 7 rencontres, dès 1h du matin. Enfin, je dis dès 1h du matin. Bah, il est déjà 23h, c'est dans pas longtemps. Hein. Ça va aller vite. Hein. Bah, oui, dans 2h, c'est parti. Hein. Détroit face à Washington. 1h30, Toronto contre les Cavs. Ensuite, c'est 2h, Milwaukee, Dallas et Houston Spurs. Et également à 2h. Memphis, Miami ou encore Oklahoma City, Chicago. Et puis à 3h, le dernier match de la nuit, Phoenix, Portland. Tout ça, alors pas tout, mais certains sur le NBA de Beansport. Oui, il y en a en général, il y a un match, voire deux matchs dans la nuit sur Bein. Ouais. Et puis le restant, après, il faut aller voir ça sur les sites de la NBA. Moi qui travaille beaucoup la nuit, je regarde beaucoup les matchs la nuit. Et puis je joue d'ailleurs à un jeu. Tiens, je leur balance un peu de publicité. C'est un gros site en France. C'est la Trash Talk Fantasy, la Fantasy League. Et la TTFL, on appelle ça la TTFL. Et la TTFL, tu peux faire un jeu où tous les nuits, tu donnes ton joueur qui pour toi fera le plus de points. Alors il y a une façon de calculer les points avec les points marqués, avec les passes décisives, les rebonds, les ballons perdus pour faire un malus aussi. Enfin bon, il y a toute une technique pour calculer les points. C'est super sympa, super intéressant quand tu fais toute la saison. Et il y a quand même près de 30 000 participants à ce jeu qui concourent dans ce jeu. Bon, pour te donner un ordre d'idée, je suis bien placé, mais il y a mieux que moi. Je vais être 2500. J'ai été au mieux, j'ai dû être 150 ou 2000 ou un truc comme ça. Et ce matin, mon fils devait être 130 ou 140e. Donc tu vois, sur 28 000 participants, c'est quand même pas mal. Ouais. C'est plutôt pas mal. Mais par contre, faut suivre le basket. Si tu suis pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu prends un joueur et tu le prends une fois par mois et tu peux pas le prendre plus d'une fois par mois. Ouais, donc tu choisis LeBron. Bah LeBron, tu peux pas le reprendre avant le mois prochain. Si fait un mois pourri. Bah je te parlais tout à l'heure de Doncic. Doncic, par exemple, je l'ai pris il y a 3-4 jours quand il s'est blessé. Il a joué 1 minute 40, il m'a rapporté 2 points. c'est donc ça. Donc je peux te dire que le réveil a été assez difficile pour moi. J'étais un peu fâché parce qu'en général la veille, j'avais dû faire 60 points et le lendemain 2 points. Ça fait mal. Voilà pour l'NBA donc et pour le basket. On referme cette page, on ouvre le rugby très rapide, encore une fois. J'ai dit ça depuis tout à l'heure, mais. Il n'y a pas eu grand chose en rugby. Non. Les Coupes d'Europe, donc, c'était les 4e journée. A noter que dans la poule de Lyon est 3e, puisque Lyon s'est incliné à Trévise en Italie. Et le leader, c'est le Leinster, bon, qui est imbattable. 19 points déjà, qui est déjà qualifié, hein, sans problème. Lyon aura l'occasion de se qualifier, peut-être, en allant chez le leader, d'abord, et en sortant Northampton pour finir, qui est deuxième. Sachant que, on le sait, il n'y aura pas tous les deuxièmes, hein, puisqu'il y a 5 poules, et il n'y aura que les 3 meilleurs deuxièmes qui vont se qualifier, hein, sur 5. Ça, c'est simple, hein, ça va, au niveau des calculs. Puisque sur le hand tout à l'heure, où. Sur le basket. Ah non, on va pas te contrarier, faut qu'il fasse du rapide, alors fais du rapide. Exeter est leader de sa poule dans la deuxième poule. La Rochelle est dernier. Ça va être compliqué pour La Rochelle, qui a pourtant battu Glasgow, hein, à l'extérieur. Belle victoire, mais La Rochelle a du retard. dans la poule de Clermont. Clermont est deuxième avec 16 points. Ulster est le premier avec 17 points. Belle victoire de Clermont. Ouais. Quelle victoire face à Bath? 52-26, je crois, ouais. Si je dis pas de bêtises. Exactement. C'est ça. Clermont qui est pas leader. On sait qu'il y aura, que les premiers qui vont se qualifier directement. Les deuxièmes, ce seraient les trois meilleurs. Bon, avec 16 points, pour l'instant, on est quand même pas mal, hein, pour Clermont. Mais ce serait quand même bien de finir en tête. Il reste encore deux matchs. Le Racing est en tête. 17 points. Qui devrait certainement y rester. Qui est bien ancré dans cette poule 4. Et puis enfin, Toulouse est aussi largement leader, 18 points, qui est déjà sûr d'être en tête. Donc, dans cette poule, il n'y a rien à dire. Par contre, Montpellier, avec 5 points, je vous annonce que Montpellier n'ira pas en quart de finale. Ça va être compliqué quand même. Ouais, c'est en train de perdre énormément, Montpellier, en ce moment. Ouais, ça chute. Hein. Donc, encore deux journées pour tout le monde, les 10 et 11 janvier et les 18 et 19 janvier, pour savoir qui ira en quart de finale de cette Champions Cup. Et dans la Challenge Cup, qui est l'autre poule, puisque vous le savez, il y a aussi la Challenge Cup, où on retrouve les 7 autres équipes en fait, du top 14. Ouais, quasiment tout le top 14. Tout le monde joue. 15 serait deuxième de sa poule, donc qui est pas trop mal, qui a 2 points de retard sur le leader. Toulon est leader avec 18 points, donc il va se qualifier a priori. Par contre, Bayonne a 2 points. Je sais pas si t'as vu en parlant de Toulon que Boudjelal apparemment va se mettre au foot. Oui. Il est en train de penser à se mettre au foot. J'ai entendu parler de ça, ouais. Ouais. Je sais pas quel jeu il joue, mais bon. Ouais, à Toulon aussi. Ouais. Je sais plus, je sais plus où c'est. Je sais plus, j'ai lu ça quelque part, mais je sais plus. Ouais, je disais parce que ça me revient c'est en quand même, ouais, c'est quand même fou. Hein. Donc, tous les leaders qui a tout gagné, par contre, Bayonne a tout perdu. Bayonne a 2 points. Et Bayonne n'ira pas plus loin, ça c'est sûr et certain. Bordeaux-Bègles, leader de sa poule, avec 17 points. Et à contrario, vous avez Agen qui n'a pas pris un point de bonus du tout et qui a 0 points. Alors Agen qui a dû terminer 12e l'année dernière et qui joue la Coupe d'Europe. C'est fou, hein. C'est un complètement fou. Mais rigolez pas, les gars, bientôt le football, ça sera pareil. Hein. Ouais. Bristol, enfin. Non, il reste plus loin. Bristol, le leader de la poule 4. Tout ça, c'est pour faire de la télé, de la pub et du pognon. Bah oui. Voilà. On va le dire carrément, hein, soyons fous. Brive est 2e avec 9 points. Stade français avec 5 points et dernier. Ça va être compliqué pour le Stade français et aussi bien au top 14 qu'en Coupe d'Europe. Hein. Et puis enfin, Pau dans la poule 5 est 3e avec 10 points. Il y a encore un espoir pour Pau. Il faudra. Un peu de Pau. Bah ouais, presque. Ce week-end, c'est la reprise du top 14. Alors, on ne comprend rien. Et puis bientôt, le tournoi des Nations aussi, ouais, qui va commencer. C'est n'importe quoi. Ce sera samedi et dimanche. Voilà. Toulon, Clermont, notamment pour fermer la journée. Lyon, leader. Bordeaux, deuxième. Il y a un gouffre après. Hein. Il y a déjà 10 points de retard pour Montpellier qui est troisième. Donc les deux premiers, a priori, on les connaît déjà, les demi-finalistes. Ouais, mais c'est un joli chambard quand même, tous ces matchs, toutes ces coupes, tous ces trucs. C'est un joli bazar. Ouais, c'est franchement incompréhensible. Et Stade français dernier, ouais. Avec 10 points, avec déjà 6 points de retard sur Agen, et 8 sur Castres. Ça va être compliqué pour le Stade français. Alors que pendant ce temps-là, le RCO a enfin gagné. Ouais, ils sont heureux. Ouais. Ah, ben, oui, ils ont joué l'heureux aussi. Oui, ils sont heureux. Bravo. Hein. Ah bah écoute, j'essaye de faire ce que je peux. Ouais, je vois bien. Le RCO qui a enfin gagné, parce que le RCO n'a pas gagné beaucoup cette année, et enfin il y a une victoire. Malgré tout, le RCO est toujours 11e avec 15 points. Voilà, bon, les playoffs, on n'y pense plus déjà pour le RCO, malheureusement, qui était l'objectif. Hein. Je fais juste un petit crochet, parce que bon, le RCO, si ça nous intéresse, mais les clubs de Toulouse, machin, etc., c'est à degré moindre. Je voudrais juste faire un petit crochet par les championnats régionaux. Pour moi, te préciser de mon côté que Fleury a encore gagné. Il s'en est gagné à Bracieux de 2 points. Et puis, passer la parole à mon voisin qui va te parler un petit peu, parce que je sais qu'il est allé à Gien, justement, voir le RCGB, Gien Briard. Il a suivi le match de Gien Briard et une belle victoire, apparemment, de Gien Briard. Ouais, il y avait un beau petit match hier entre Gien qui était 4e et Romorantin qui était 3e. Match très tendu avec 2 essais de pénalité, 2 cartons rouges. Ah oui, quand même. Ouais. Ouais. Et c'est Gien qui l'emporte 17-10 et qui donc monte sur le podium. Et... Une petite partie de manivelle un peu, non? Parce que les cartons rouges ils sont promenés tout seuls. Oui, voilà. Ah, bah, c'est un peu caloté. Bah, je pense qu'il y a au moins 2 ou 3 bagarres générales. Ah ouais, quand même. Ça rigole pas. C'est bon, il y a de l'ambiance. Bah, c'est le charme du rugby, ça. Ouais. C'est le charme du rugby. Mais par contre, ouais, non, c'était franchement sympa. Enfin, si on peut dire, à voir. Ils ont bu un coup à la fin. Exactement. C'est le principal. C'est le principal. Et non, Gien qui ambitionne de monter en régional 1 parce que ça a encore changé de nom. Avant c'était oui. Honor. Ouais, mais ça change dans tout. Ça change dans le foot, ça change dans le rugby. Bon. Ouais, c'était la PH, la division d'honneur, des promotions d'honneur, etc. Ouais, ouais. Ouais. Maintenant c'est régional 1, régional 2. Oui, ouais, c'est ça. Ah, bah, comme au foot, ça. Comme au foot. Ils ont, joué, ils ont suivi le. Et donc, par contre, ça n'a pas changé. C'est bien Fédéral 2 pour le RCO. Donc, il reprend la saison le 11 janvier. C'est compliqué, à domicile. Quand même. C'est très compliqué pour le RCO. Voilà le rugby. On a, je crois, tout dit. Et oui, quasiment. Maintenant, parlons de football, puisqu'il est déjà 23h04. Oui. Vite. Football, on a des choses à voir. Je vous propose un petit tour d'Europe pour commencer. Vas-y, c'est, on t'écoute. Ce qui s'est passé à l'étranger. Puisque on va parler du Borussia Dortmund qui sera le prochain adversaire de Lyon, de Paris, pardon. Du Paris Saint-Germain. Lyon, c'est encore plus haut. Non, match aller à Dortmund, match retour au Parc des Princes. Voilà. Et ben Dortmund qui s'est imposé 4-0 à Mayence. Ouais, Dortmund, juste on peut le dire, qui a eu du mal en début de saison et qui là commence il à tourner mieux. Très très bien. Alors non, pour Paris, c'est pas bon signe. Ouais. Ils vont beaucoup mieux. Ouais. Le truc, c'est que souvent, ces équipes-là, elles se préparent en fonction de la Coupe d'Europe aussi. Et qu'elle commence à être au taquet quand on commence à arriver sur les huitièmes de Coupe d'Europe. C'est ça. C'est exactement ce qu'il veut. Ben oui, oui. C'est pour ça que je suis pas rassuré pour Paris, même non. S'ils ont une belle équipe. Mais tu vois, quand je suis venu là, j'ai écouté les réactions. Donc au PSG, visiblement, tout le monde est très content du tirage. Bien sûr. Et oui, oui. Je les trouve très, très optimistes parce bien que sûr. Ils ont très raison. Content. Ouais, c'est. J'aurais préféré Bergame quand même, mais bon. J'avais dit non, c'était Valence. Il y avait Valence. Ah oui, l'Atalanta de Bergame. Non, Valence a fini leader. Qui ne pouvait pas se rencontrer. Oui, oui, mais il pouvait jouer à Atalanta Bergame. Oui, ouais, pour Paris, en tout cas. Ouais. Mais j'avais dit à mon fils que si Dortmund terminait premier de poule et jouait Lyon en Coupe d'Europe, j'allais à Lyon avec lui, parce qu'il est supporter de Lyon aussi, et j'allais à Lyon avec lui pour voir justement le match, et j'allais à Dortmund pour voir Dortmund-Lyon, parce que là-bas, ah, oui, le fameux mur jaune, c'est énorme. Ouais, alors, il y a le mur jaune, parce que déjà, ça ne va pas être évident d'aller là-bas, et c'est une équipe qui peut très bien gagner à l'extérieur. Hein. Ah, oui, parce absolument. Que eux, ils jouent à l'extérieur comme ils jouent à domicile. On est complètement d'accord. Je me souviens dernièrement, c'était Monaco qui avait joué Dortmund là il y a 2-3 ans. Je sais plus, mais regarde les scores en Allemagne. Regarde les scores, les 4-2, ouais. Les 4-0, les 6-1. Il y a que des scores comme ça maintenant. Oui. Bah justement, 6-1. C'est pareil. Le Bayern. Bayern qui a battu Werder 6-1. Triplé pour Coutinho, doublé pour Lewandowski. Et un but de Müller. Tu as vu la blessure aussi de comment le français Tolisso? Non, non, au Barça. Non, où est-ce qu'il est en Allemagne? Lui, c'est pas Coman. Coman, donc, comme. Ah oui, Kingsley Coman. Kingsley Coman, oui. Kingsley Coman. Ouais, t'as vu la blessure, t'as vu la jambe, comment elle a tourné là? Ouais, ça va être long. Hein. Ouais. Le Bayern, c'est pareil, qui avait fait un début de saison poussif, puis là, qui va bien mieux. Hein. Bah, c'est pareil. Hein. Leipzig, qui a battu Düsseldorf 3-0. Je remarque que tu le dis bien maintenant, Leipzig. T'as vu? J'ai travaillé. C'est bien. Schalke, Nullefier, qui a battu Francfort 1-0. Alors, en parlant de Schalke, là, on a vu tout à l'heure sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo d'une sortie du gardien de Schalke. Oh, ah oui. Ah oui, je l'ai vu. Ouais. Je savais pas quel match c'était. Incroyable. Et Harald Schumacher, numéro 2. Ah, c'est ça. Et c'est énorme. On aurait dit Batista. Ouais, c'est ça. Mais là, il a fait carton rouge par contre. Hein. Là, ouais. Ah, bah, heureusement. Et en revanche, le Borussia. Bâtisson, il n'a pas eu carton rouge. Non, je sais bien. Et en revanche, le Borussia Mönchengladbach qui a perdu à Wolfsburg, perd sa première place au dépens de Leipzig, donc qui est leader. Tu parles pas mal allemand maintenant. Ça va mieux. Hein. Je sais pas, je crois qu'il y a un collège du côté de Chien qui cherche un prof d'allemand. Oui, c'est vrai. Ça serait pas mal si tu pouvais y aller faire un tour. Au fil des années. Donc Leipzig en tête. T'es sûr que le Borussia a perdu? Je suis pas sûr, moi. Lequel? Mönchengladbach si, ou. Si, ils ont perdu 2-1 à Wolfsburg. Tu dois confondre avec Borussia Dortmund, toi. Excuse-moi. Il y en a deux maintenant. Ouais. Gladbach est deuxième, 31. Dortmund, troisième. Schalke est quatrième. Et le Bayern est cinquième. Ça se resserre. Bon, les écarts sont quand même assez moindres. Et Leverkusen est septième. Alors qu'en bas, on retrouve Cologne et Paderborn. Paderborn qui monte et qui descend tous les ans. C'est ça. Paderborn, exactement. Voilà pour l'Angleterre, non, pas l'Angleterre, pour l'Allemagne déjà. L'Angleterre. Putain, ça sera tout à l'heure. L'Italie, la Serie A, puisqu'on va retrouver la Juve, prochain adversaire de Lyon. On est là cette fois-ci, le prochain adversaire de Lyon. Qui a battu Udinese 3-1 avec un doublé pour qui, s'il vous plaît? De quoi? Ronaldo? Bah oui, sans souci. Alors normalement j'y serais par contre, ce match-là, Lyon. Ça peut être pas mal. Hein. Bah écoute, mon fils étant abonné sur tous les matchs de Coupe d'Europe là-bas à Lyon, puisqu'il est supporter lyonnais, il m'avait proposé d'aller avec lui voir le 8e si ça passe en 8e. J'avais dit ça dépendra de l'équipe. J'ai dit si c'est une équipe comme la Juve, ça m'intéresserait bien d'y aller. Ah bah c'est sympa. Ouais. Et là c'est génial parce qu'il m'avait dit c'est le plus faible taux de possibilité, c'était la Juve, et en fait il tombe sur la Juve. C'est donc, ça. Donc, ouais, voilà. C'est fou. Hein. Donc voilà, donc c'est génial. Je vais aller faire un tour là-bas et voir Cristiano, voir si vraiment il a le talent qu'on lui donne. On lui dit, il y a des chances. Hein. L'année dernière, mon gamin s'est quand même fait Messi. Cette année, il se fait Ronaldo. Hein. Il a fait le Barça l'année dernière et cette année, il fait la Juve. Donc c'est beau. Hein. C'est beau. Le Napoli qui perd face à Parme 2-1, la victoire de la Roma face à Spal 3-1, le Milan AC qui n'est pas en grosse forme, hein, et 0-0 face à Sassuolo, l'Inter aussi tenu en échec à la Fio. On parle d'ailleurs à l'Inter, on parle de notre ami Olivier. Ah. Il serait partant pour l'Inter apparemment, et Didier Deschamps aurait dit que ce serait une bonne idée pour lui parce que il jouerait, ça lui permettrait de jouer peut-être un peu plus. Temps de jeu, oui. Bah oui, mais bon, ils sont deuxième l'Inter, je crois, donc c'est pas sûr qu'il joue. Hein. Ouais. Peut-être un petit pourcentage Didier là-dessus. Ouais, je pense qu'il y aurait bien quelque chose de, caché encore. Et puis alors, tout à l'heure, on a suivi Cagliari Lazio. Il y avait donc Cagliari, mais a mené 1-0 jusqu'au bout, mais Lazio s'est imposé 2-1. Ah oui, dis donc, retournement de situation. On avait dit du temps additionnel. Ah bah, ouais. Il y en a eu 8, il y a eu 2 buts dans les 108. La Lazio qui a gagné 2-1, hein, alors qu'ils étaient menés tout le match 1-0. Ah ouais, 93e, 98e, c'est bon. Ça fait mal, hein, pour. Ça va faire mal à la tête. Ça fait très mal pour le qui a mené tout le match. Cagliari doit avoir mal à la tête ce soir. Surtout que c'était un match important en haut de tableau. La Juve est leader et co-leader avec l'Inter, 39 points. La Lazio, 36. La Roma, 32. Cagliari, du coup, 29. Ils auraient pu en avoir 32. Et ils en ont que 29. Et puis Bergame est 6e aussi, qui fait une belle saison. Le Napoli, c'est en 9e. C'est pas une belle saison pour le Napoli. Hein. La Milan, c'est pareil, qui est 10e. Bah, Napoli, je sais pas si tu as suivi un peu tout ce qui s'y passe en ce moment, mais c'est vraiment un petit club de banlieue, entre guillemets. Ouais. Et c'est, moi, je trouve ça très sympa de voir 4e. Qui font une très belle saison. Ouais. Bah, c'est déjà souligné, parce que quand tu arrives à être 4e dans un championnat où il y a quand même quelques cylindrés, et puis c'est rarement cette équipe-là qui est là-haut, qui est dans cet endroit du classement, c'est vachement sympa de les voir là, ouais, c'est clair. Surtout en Espagne. Ça rafraîchit un peu le truc quand même, parce que on est habitué à l'Atlético, au Barça et au Real. C'est vrai qu'on voit un comme ça, un petit qui les accroche. C'est comme on avait eu Leicester en Angleterre, ouais, une période là. C'est quand même plutôt sympa. Ou à Hoffenheim en Allemagne aussi. Oui, aussi. Oui, qui avait été champion, mais qui avait été européen en tout cas. Ligue des Champions. Ouais, c'est ça. Hein. Hoffenheim, c'était l'année dernière contre Lyon en Ligue des Champions. Oui. En plus, ils n'avaient pas été ridicules. Non. Non, non. Celta Vigo, Leganés et l'Espagnol Barcelone qui sont relégables. Et puis à noter que dans deux jours, c'est le Classico Barça-Real, puisque le match qui avait été reporté depuis un moment, hein, ça fait quelques temps. Ouais, alors du coup, ça se joue, c'est mercredi soir, c'est ça? Ouais, c'est ça, à 21h au Camp Nou. Avec déjà des manifestations qui sont prévues, ouais, devant le stade. Ouais. Ça va être très compliqué. Hein, ça va être chaud. Ouais. Voilà pour l'Espagne, terminant avec l'Angleterre avant d'arriver en France. Tirage à midi. Ouais, donc on va, bien sûr, on va évoquer Dortmund-Paris. Paris qui se déplace et puis qui reçoit. C'est quand même intéressant. Donc on a les dates, puisque c'était aussi quelque chose qui était fait juste après le tirage. Donc le 18 février pour le match aller. Vous avez vu, c'est pas Saint-Valentin pour une fois. C'est pas quoi ? Chaque année, c'est la Saint-Valentin, le jour des matchs de Paris. C'est vrai. Le Barça, le Real. Bon, cette année, non. C'est plus tard, c'est le 18. Il n'y aura peut-être pas de remontada alors. Bah oui. Le 18 donc pour le match aller, le 11 mars pour le retour. C'est quand même long, hein. Les matchs aller-retour. Ouais, il peut se passer des choses. Il peut se passer pas des blessures, il peut se passer plein de choses. Ben oui. On aura ça, c'est clair. Un Atlético Madrid-Liverpool. Intéressant. Ouais, très intéressant. Pareil, même dans les mêmes dates. L'Atlético a énormément perdu cette année quand même. C'est plus la même équipe. Il y a beaucoup de départs, ça a fait quand même beaucoup de mal. C'est plus la même équipe. Elle n'est pas méconnaissable. Ouais. Ensuite, on a Atalanta-Bergame-Valence qui est très ouvert, à mon sens. Ben oui, là, c'est le match en fait entre guillemets, je veux bien les guillemets, hein, des petits. Hein. Ouais. En fait, celui qui tout le monde voulait les tirer, ceux-là, et en fait, ils sont l'un contre l'autre. Et ben, moi, je voudrais celui qui les tire en quart, en fait, surtout. Mais tout le monde les voulait, là, ils les voulaient tous. Ouais, finalement, tu vois, ils sont rencontrés. Donc, il y en aura un qui passera. Ouais. Et celui qui tombera dessus en quart sera peut-être content, mais peut-être que ce ne sera pas gagné d'avance, hein, de toute façon. On aura Tottenham-Leipzig. Alors comme quoi il valait mieux terminer deuxième de poule, je pense. Hein. Je pense que là, sur le coup de Leipzig avec Lyon, on l'a vu, Lyon qui termine deuxième de la poule, ils évitent quand même Tottenham qui est quand même une grosse cylindrée. Je pense que t'en penses Sylvain, mais c'est quand même une grosse cylindrée Tottenham. Même si la Juve, avec tout le respect que je dois à la Juve, c'est quand même une sacrée équipe aussi. Franchement, éviter Tottenham, c'est pas un mal non plus, hein, je pense. Hein. Bah surtout que depuis l'arrivée de Mourinho, non seulement ils remarquent beaucoup et ils prennent quasiment pas de buts. Donc ouais, c'est pas le moment de les prendre. Alors, je vous coupe deux petites secondes, puisque nous avons Jérôme avec nous. Je m'en doutais. Salut, Jérôme. Salut, salut. Salut, Jérôme. Comment ça va? Qui est dans l'assistance? Alors, Christophe, j'ai vu sur Facebook qui serait là. Ah, c'est bien, oui. Mais je me doute. Et après, Sylvain, mais j'ai pas compris qui était Sylvain. Mais, voilà. Si Sylvain est, alors... Sylvain est un grand supporter du HBCJ1, c'est un ami personnel qui suit le HBC, qui suit le football, qui suit l'actualité du sport en général. Il suit presque tous les sports, Sylvain. D'accord. Voilà. Ah bah, il doit être bien dans cette émission alors. Voilà. Oui, oui, voilà, exactement. Qui est d'habitude par téléphone comme toi, Jérôme, en fait. C'est du téléphone. Ah, mais ce soir, il a pu faire le déplacement en studio. Ouais, je suis en studio. Ah, oui, d'accord, voilà, ok, d'accord. Oui, parce que j'ai compris qu'il était en studio, en effet. Je viens de me rendre compte que j'avais mis 4-1 PSG Saint-Etienne. Je n'étais pas loin. Hein. Dommage, hein. Aïe, aïe, aïe, pour un but. Pour un but. On était en train de débattre du tirage du sort de la Ligue des Champions, que tu as dû voir aussi, hein, bien sûr. Oui, oui, bien sûr, oui. Donc, on en était quoi? On avait parlé de Tottenham, c'est ça, Leipzig, oui, avec Mourinho qui a fait le retour en Angleterre. On disait qu'il valait mieux éviter Tottenham. Bah oui, maintenant que dans l'état que Tottenham est aujourd'hui, oui, il vaut mieux. Oui, d'accord. Oui. Ouais, d'accord. Ouais. Mais la Juve, c'est pas un cadeau non plus hein, pour Lyon. Ah non. Bah, non. Loin de là. Non. Match retour à Turin. Par contre, pour les supporters, c'est bien. Les déplacements, il n'y en aura pas beaucoup. Ça va pas être très long. Là. Oui. Non, c'est vrai. Lyon, Turin, c'est pas les parkages long. Pourraient être pleins des deux côtés, au match aller comme au match retour. C'est vrai. Et puis j'ai vu qu'il passait en commission là, par rapport aux incidents du dernier match de Ligue des Champions, Lyon, mais le 27 février, donc le lendemain du match aller. Oui, c'est le 26, t'as raison. D'accord, oui. Tant mieux pour eux. Ils auront joué à la maison, c'est très bien. Est-ce que c'est pas fait exprès? Moi, tu te demandes. On se demande. On a ensuite Chelsea-Bayern Munich. Il y aurait bien du Jean-Michel en dessous de tout ça encore. Donc Chelsea-Bayern, donc pour Chelsea, on le disait tout à l'heure, qui est un peu en dessous. Hein. Bayern, en revanche, qui fait plutôt l'inverse, qui revient très bien. On a Napoli-Barça. Alors, on parlait du Napoli aussi, qui a quelques minutes, qui fait pas une belle saison du tout. Au contraire du Barça, bon, qui fait toujours plus ou moins une belle saison, de toute façon. Hein. Bah, c'est compliqué, en fait. Il y a eu pas mal d'accrochages, là, avec le président, les joueurs, les entraîneurs. Enfin, bon, c'était très compliqué pour Naples. Je pense que ça va être très, très difficile contre Barcelone. Ouais. À mon avis, voilà, quoi. Ça va être difficile de passer. Hein. Et puis, l'affiche, de 7 à 8e, c'est Real City, faut bien le dire. Real City, voilà, c'est Galactique de chez Galactique. Ouais. Ça va être un sacré match. Enfin, deux sacrés matchs. Un sacré match, c'est sûr. Et puis, déjà, un gros qui va passer à la trappe, en fait. Il y en a un gros qui va sauter. Bah oui, déjà. Et Bergam qui était qualifié. Oui, oui, première participation en Ligue des Champions et les qualifications déjà. En Ligue des Champions. C'est énorme. Hein. Et c'est ce qu'on disait, il tombe sur Valence. C'était les deux équipes que tout le monde voulait avoir et finalement, il retombe la compétition. Parce que Valence, c'est aussi une première en huitième, je crois, non? Ah non, je pense pas. Non, c'est pas Valence alors. C'est bien Bergame alors. Non, c'est Leipzig, pardon. Ah oui, Leipzig. Qui se qualifie pour la première fois en huitième. Oui, tu m'étonnes. Il a déjà fait des phases de poule, mais. Voilà, donc les affiches qui sont quand même belles. Bon, je vous fais pas les affiches de Ligue Europa parce qu'il y en a beaucoup, mais les principales. Il n'y a pas que le français, donc ça va être rapide. Je crois qu'il y en avait une ou deux qui étaient intéressantes quand même, mais que je ne retrouve pas. En tout cas, il y aura la Roma qui est qualifiée face à la Gantoise. On peut souligner que l'Ajax se retrouve dans cette coupe-là. Ben oui, qui est reversée finalement. Ben oui, alors que l'année dernière, ils ont fait les éclats. Eh oui. Olympiakos Arsenal. Leverkusen, Porto qui ne devrait pas être mal aussi. Oui, tout à fait. Pour Lyon, c'est bien d'être qualifié en Ligue des Champions, ou c'est pas une bonne chose. De quoi Lyon? Vous en pensez quoi? Lyon, ouais, parce qu'ils vont, ils vont avoir des soucis. Hein. Bah, le souci, c'est qu'avec les deux blessés qu'ils viennent de prendre là, ça va leur faire mal, quoi. Donc, à mon avis, ils ont peu de chance, sauf en cas de recrutement intelligent, mais bon, ouais, ça va être compliqué parce qu'il faut trouver à ce moment-là de la saison, il faut trouver quand même des recrutements. Non, puis, comme on voit pour l'USO, quand ça décolle en interne, derrière, c'est compliqué. Ah, c'est quoi? C'est très compliqué, ouais, tout à fait. Mais apparemment, Marcelo a demandé à partir. Si je pense que tu fais allusion à cette histoire-là, Marcelo a demandé à partir, je pense que ce sera pas un mal. Il s'est passé, bon, moi j'ai entendu les petites choses aussi. Mon fils était au match hein, de Lyon où il y a eu tous ces problèmes. Il était justement à 30 mètres du gars qui est descendu sur le terrain avec son bon machin là, avec son espèce de turban là. Et finalement, ça c'est rien, il n'y a pas de bagarre, il n'y a aucune bagarre, contrairement à ce qui a été dit, il n'y a aucune bagarre à ce moment-là. Par contre, à la mi-temps, il y a une bagarre générale dans la tribune des supporters lyonnais, des Bad Gones, dont personne ne parle. Il y a une bagarre générale, enfin pas en général, mais une bagarre avec au moins 40 ou 50 personnes qui sont en train de se battre dans la tribune, quoi. Donc, mais ça, personne n'en a parlé, tu vois. Donc c'est là que tu vois l'intelligence, quoi. Bon, enfin, après, si on parle de tout ce qui se passe dans les stades tous les week-ends, c'est compliqué. Hein. Ouais, tout à fait. Mais bon, ils ont souligné ça alors que bon, effectivement, faut le souligner, mais je pense que la meilleure des choses, faut pas leur faire de pub, et tu de tête, on parle même pas, faut passer à autre chose. Enfin bon, il faut en parler quand même, mais il faut en parler dans les commissions. C'est pas, je pense que la presse et tout ça, c'est pas les endroits pour en parler. À un moment donné, voilà. Par contre, pour en revenir aux chances de Lyon, est-ce que c'est une bonne chose pour eux? Je pense que oui, à condition qu'ils aient leur effectif au complet, avec ce qu'ils viennent de prendre, là, avec Reine Adélaïde et puis. Comment c'est? C'est sûr qu'ils l'auront pas en complet. Ah bah là, c'est sûr que non. Ouais. Ah bah non, les gars. Donc ton argument déjà, ça peut pas aller. T'es sûr qu'ils l'auront pas en complet déjà? Bah non, ils seront pas en complet. Donc là, ça va être vraiment compliqué pour eux. Bah tout va dépendre. Ils parlent de recruter. Hein. Ils parlent de recruter en ultra rapide. Là, bon, qu'est-ce qu'ils vont recruter, quoi? Je veux dire, comment il s'appelle, De Paille, c'est l'équipe de lui tout seul depuis le début de la saison. C'est Cata, là. Ouais, ah non, mais c'est clair. C'est clair. C'est comme si Cristiano se blessait au Real Madrid. Oh, la Juve. À la Juve, oui, Cristiano. C'est catastrophe pour Lyon, et c'est catastrophe pour les Pays-Bas qui est déjà sûr de ne pas être champion d'Europe, ils l'ont dit, hein, puisqu'il ne sera pas remis pour l'Euro. C'est compliqué. Ça va être trop juste, hein, c'est 6 mois. Et ça, ouais, oui. Le problème, c'est quand une équipe comme ça repose sur une personnalité, un joueur souvent, c'est compliqué dès que ce joueur-là se blesse, t'es dans la mouise. Hein. Ouais. Donc on en a pas parlé, mais c'est vrai que Lyon, on parlait du tirage, il s'est qualifié grâce à son match nul de 2. Ça t'était un petit viré par les cheveux. 2-0 à la pause, mené 2-0. Le but d'Awar, il est magnifique. C'est le seul point que je retiens. Bon, après, ils doivent perdre à la fin, ça c'est fou. Leipzig doit marquer 1000 fois sur la dernière occasion là. À 30 cm. Et pour moi, il y a pénalty. Hein. Oui, il y a une poussette en plus dans la surface, il y a pénalty. Ouais. Hein. Et ça sent très bien, Lyon. Mais bon, il y a 8 millions qui vont rentrer grâce à ça. Ouais, mais après, c'est presque problématique, parce que je pense que ils n'ont pas calibré cette année pour ça. Et on voit dans le jeu, ils n'ont pas été au niveau du tout en Ligue des Champions. Donc, Jean-Michel Aulas se cache derrière des statistiques, 12 fois qualifié sur 16, ouais, enfin 12 fois qualifié sur 16, d'accord. Et pour faire quoi derrière? Une demi-finale, il y a des équipes qui ont fait 3 qualifs, ils ont fait deux fois deux demi-finales. Quoi. Ouais, je pense qu'il a balancé ça plus pour noyer le poisson. C'est ce qu'il veut, quoi. Il a balancé pour noyer le poisson, je pense, parce que quand on lui a posé les questions. Bon, c'est vrai que les statistiques jouent pour lui, mais il prend tout le temps les mêmes, quoi. Ouais, bien sûr. Il n'y a que ça comme argument, ouais. Alors, en même temps, c'est un argument qui paye, hein. Ils ont quand même fait, effectivement, 12 fois sur 16, c'est ça? Oui, non, mais c'est bien. C'est quand même l'argument qui pèse. Sortir 12 fois en 8e. Oui, c'est ça. C'est pour faire sortir 12 fois en 8e. Bah, surtout pour un club français, parce que quand tu regardes les résultats des clubs français, c'est quand même un peu catastrophique, à part le PSG, hein. Oui, encore, oui. D'ailleurs, le PSG, donc, qui s'est qualifié, bon, qui est déjà qualifié, ouais, après, qui a gagné, bon, tranquille, son dernier match. Le tirage, pour vous. T'en penses quoi, toi, du tirage de Dortmund, Jérôme? Pour Paris, je pense que Paris est favori sur un tirage comme ça, mais maintenant, ça n'augure pas forcément une qualification incontournable, mais je pense que c'est un bon tirage. Oui, il y aurait pu, oui, si tu dis qu'il y aurait pu en pire, oui, évidemment, oui. Ça, par rapport à ça, c'est un bon tirage. C'est un bon tirage par rapport aux autres équipes qu'il y avait. Après, oui. Après, bon. Très bien, bon, on referme Ligue des Champions parce que. Voilà, on va faire le lien. Il faudrait une demi-finale cette année, minimum. Oui, il faudrait une demi-finale. Ah, bah il serait temps quand même. Hein. Parlons d'un sujet qui fâche, la Ligue 2. Voilà. Et l'USO. Non, bah ça, on parle du national alors. On est bien parti pour en parler du national. J'en ai parlé tout à l'heure avec. Avec le collègue de Radio Chalab à Besançon, là, qui m'a interviewé. Pareil. Donc, voilà. USO battu à au moins 3-2. Pareil que toi, Jérôme. 1e défaite. Non, mais là, et puis il n'y a rien. Il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de. Il ne se passe rien. Ils ont tout droit. Alors, pour une fois, j'écoute jamais cette émission, mais pour une fois, je l'ai écouté ce soir. J'ai écouté, je sais plus comment ça s'appelle, l'émission de France Bleu, hein, des confrères de France Bleu, sur France Bleu Orléans. Et j'ai écouté. Tribune USO. Ouais, c'est ça. J'ai écouté Didier Olenicol, qui annonçait, qui voulait, en tout cas, 5 recrues à la trêve. Et si je lui dis non? Il veut trois offensifs. C'est énorme. Ah ouais, non, mais ils sont nuls, les mecs. Mais ils vont se faire prêter les joueurs. Apparemment, ils sont sur des prêts, certainement, parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est ce qu'il a annoncé. C'est d'urgence. Et là, ils sont dans l'urgence totale. Là. Ouais. Il disait avoir perdu des gars comme Sissoko, qu'on critiquait peut-être l'année dernière pour prendre beaucoup de cartons, c'est vrai, mais qui était là au rendez-vous quand il fallait. Certains gars comme Will Power, enfin des gars comme ça qui étaient là. Et cette année, on a récupéré des gars de National 2, National 3, quoi. On a plus rien. Hein. Et puis la recrue qui est entrée, c'est quand même peu. Et puis l'autre, oui. Franchement, ça, ouais, c'est incroyable. Butin qui arrive, Edouard Butin qui arrive et qui se blesse, quoi. Fissure du petit orteil. Fissure de l'orteil. Il a déjà pris 2 mois. Les autres clubs, c'est parce qu'ils savent très bien qu'ils se blessent tout le temps, mec. Ben le mec, il arrive déjà, faut voir, moi, ce que j'ai vu, quand j'ai regardé un petit peu avant qu'il le prenne, hein. Quand il avait pris l'essai, j'ai regardé un peu, 27 matchs l'année dernière avec Brest, 3 buts. Oui, non mais. Ils le prennent comme joker offensif. Ouais. Bon, d'accord. Moi, je veux bien, hein, mais il va peut-être apporter, hein. Peut-être qu'il apportera sur le plan de la présence, ou de la prestance devant le but. Mais qu'est-ce qu'il va apporter de plus, ce gars-là? Ouais. C'est pas ça qu'il nous faut, c'est un mec comme Nicolas Pépé, ou un mec qui marque des buts, quoi, qui va au contact, qui va marquer. Alors, on les avait, mais on les trouvera pas cette année. On les a plus, mais non, c'est trop tard. Non, puis le recrutement était nul, enfin, bon, catastrophe. Oui, on sait ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, non, mais là, puis, on sent pas l'équipe, on sent pas d'équipe. Donc on les sent pas motivés, il n'y a pas de rébellion, il n'y a rien, il n'y a pas d'envie, il n'y a rien. Bon, ça, en même temps, c'est un club de rien, enfin, je veux dire, c'est pas un club d'âme, voilà, il y a pas. Ah, contrairement à l'Étoile Sportive des Loges et Forêts, ça c'est vrai que c'est pas un club qui gagne. Hein. Non, mais je veux dire, les mecs ils changent toute l'équipe chaque année, du mal à suivre, les supporters là ils viennent parce qu'ils sont en Ligue 2, mais on sait que Orléans c'est pas une ville de foot, donc c'est compliqué pour eux, ça va être dur de tenir. Je peux me permettre de faire une petite parenthèse, Jérôme, parce que justement Sylvain m'en a parlé il y a pas très longtemps et je lui ai dit, bah écoute, moi je connais bien le président, je connais du monde, je ferai le message pour toi, mais puisqu'il est à côté de moi, il va te faire le message lui-même. Je pense que ce sera encore plus simple, puisqu'il a joué, enfin lui il n'a pas joué, mais il est accompagnateur avec Poilly, avec l'équipe de Poilly Légien, et il a eu l'occasion de vous croiser il y a pas très longtemps, donc Sylvain, je te laisse la parole. Ouais, Jérôme, ouais, on fait une petite parenthèse. Moi, je crois au truc de l'Étoile Sportive. Hein. Non, mais je fais juste une petite parenthèse parce que ce qu'il m'a dit, je voulais te le dire, mais ça tombe très bien qu'il soit là, comme ça il va te le dire mieux. Vas-y. Non, je voulais. Je sais pas si je répondrai. Hein. Mais t'es pas obligé. T'es pas obligé, non, c'est simplement. On échange souvent avec le foot local et départemental avec Christophe et j'avais souligné auprès de lui qu'on avait été très bien reçus quand on a été joué chez vous. Ah, tu vois, pourtant les conditions étaient pas excellentes. Alors, ouais, à l'exception du terrain qui était catastrophique. On fait ce qu'on a, nous. Nous, on utilise au mieux ce qu'on a. Et non, mais c'est vrai que le terrain était catastrophique. Ouais. Alors, tu sais que je suis arrivé au stade le matin très tôt. Ouais. J'ai allumé les lumières. Je suis sûr qu'il va y en avoir besoin. Il y a un mec qui s'est pointé après moi, il les a éteintes. Bah, déjà, quand on est arrivé, vous étiez en train de tracer les lignes, déjà, quand on est arrivé. Ah oui, non, ils ont retracé, parce qu'il n'y avait plus, bah, je sais, ouais. La météo est la même partout. Hein. Il pleut tellement que bah, t'es obligé de tracer 2 fois, c'est incroyable. Non, mais c'est vrai que le terrain, c'était une catastrophe, ouais. Mais sinon, l'accueil était super. Et ouais, bah ça, il n'y a pas de souci. Écoute, ça me fait plaisir d'entendre ça, mais j'espère que c'est partout pareil. Hein. Et alors, j'en profite aussi. Question. On viendra vous battre en match photo. Hein. J'imagine que ça te servira pour monter, ça. Bah, essayez déjà de battre nos concurrents, ça serait sympa. Pardon ? Essayez de battre déjà nos concurrents un peu en haut du tableau. Pour l'instant, on fait ce qu'il faut. Ouais, je sais. Hier, vous avez fait ce qu'il faut, je sais. Ouais, ça n'a pas été simple, mais enfin, c'est comme ça. Voilà, c'était la petite parenthèse. La fierté, c'est jamais facile. Hein. T'as bien fait de me le dire, mais la prochaine fois, tu m'envoies un texto à chaque fois, il n'y a pas de souci. Bon, messieurs, oui. Je ne pousse pas, mais il est déjà à 23h30. Alors, on va passer les résultats. En tout cas, le classement, c'est bon, vous le savez, c'est que je suis dernier avec 10 points. Le Paris FC est 19 avec 15 points. Et le barragiste, c'est le Mans avec 17 points. Voilà, le constat, c'est qu'il y a 7 points de retard sur le barragiste. Et sur la 17ème place. Donc Et surtout, c'est que tu viens de perdre un manque et barragiste, quoi. Et il fallait pas perdre. Ah non, mais là, les résultats sont. C'est une catastrophe, ça devient une catastrophe. Ils peuvent pas faire grand chose, hein. Non. Et on a Lorient, donc, qui est leader, 39 points. Lens, deuxième, 37 points. 3e, 35 points. Ouais, alors des fois, on pourrait dire, ouais, on a pas de chance, on n'est pas à notre niveau. Mais alors là, ils y sont, mais. Et puis, c'est normal, quoi. Ah, c'est nul, c'est normal, les derniers. Ils ont fait 4-0 contre le premier. Bon, bah, t'es dernier, voilà, c'est tout, qu'est-ce que tu veux dire. C'est ça. Je pourrais t'ortiller plus, hein. Ah, bah, t'es à ta place aujourd'hui, hein. Y a rien à dire. Oui. Hein. Bah, oui. Dernier match de l'année, ce sera vendredi face à Sochaux, à domicile. Sochaux qui est 7ème. Alors, tout le temps, les ramasseurs de ballons seront des ramasseurs de l'Étoile. Oui, c'est vrai. Sochaux, c'est. On va essayer de les rendre rapidement. C'est 1-0. Je vous le dis, moi, on envoie les ballons derrière tout le monde. Sochaux qui a pas gagné sur les 4 dernières rencontres. Peut-être le moment de les prendre. On verra. Oui. Vendredi à 20h. Donc à la source. Moi, je serai à Auxerre vendredi soir. Auxerre qui reçoit Nancy. J'ai pas entendu. Nous aussi, on n'a pas gagné depuis longtemps. Hein. Ouais. Les sauts. Donc, je sais pas, ils vont peut-être pas trop. Oui, c'est ça. Tu dis. Orléans, c'est bon. Sochaux, les 4 derniers matchs sans victoire, mais Orléans, c'est les. Les 10 derniers. Je sais pas. Comme Toulouse. Il y a une victoire. 8 défaites d'affilée. Oui, c'est rare, c'est très rare d'ailleurs. Mais c'est pareil, c'est les clubs de. On va parler maintenant. Donc, la Ligue 1, justement, c'était. C'était tout le week-end, bien sûr. 18ème journée. Non mais moi j'en reçois aussi souvent des. Moi aussi je me fais aligner parce que en ce moment je suis pas très copain avec eux, mais bon voilà. Moi t'es pas copain grand monde. Ouais non enfin je veux pas parler de ça. Je sais pas, je pense que c'est pas l'endroit. Et puis il est pas en face de moi pour répondre, donc je pense que c'est pas la. Voilà. Ce serait pas logique que j'en parle. Mais bon effectivement, quand t'es joueur professionnel, il y a des choses dont tu peux te passer quoi. Maintenant, surtout que là, il n'y avait pas eu de méchanceté, qu'il y avait juste une remarque sur une frappe qui passe 20 mètres au-dessus du but. J'ai simplement dit, il y a peut-être un moment où il va falloir cadrer. Et ça lui a pas plu, et il est parti en live. Et je pense que voilà, quoi. Enfin bon, bref. Ils sont pas grands, hein. C'est ce que c'est aujourd'hui. Les retraites, il n'y a plus rien, les buts sont tout petits. C'est fou, hein, c'est fou. Bah oui. Lille qui continue de gagner, qui s'est imposé face à Montpellier, 2-1. Ouais. C'est la seule victoire à domicile, je crois, hier. Hein. Et la seule équipe qui a marqué 2 buts à domicile. Et c'est la seule qui a gagné à domicile, la raison. C'est la seule qui gagne à domicile. Hein. Il y a eu des matchs nuls et des défaites. Alors, il y a 2 buts. Hein ? Il y a 7 équipes qui n'ont pas marqué. Je vais vous donner les scores de samedi soir, c'était une catastrophe. Hein. Et moi, par contre, j'ai fait un jackpot. T'as fait un jackpot. Alors là, il fallait pas mettre de victoire à domicile. La journée à la con. Hein. Il fallait pas mettre de victoire à domicile, t'en as mis 3, et c'est les 3 où. T'en as mis 4. On a une de bonne, forcément. C'est Lille. Metz-Marseille. Est-ce que tu avais mis au moins une victoire de Nantes à Nîmes? Oui. Ah, bravo, félicitations. Tout le monde les bat en ce moment. Oui, enfin, ça c'est pas très bien. Systématiquement. Tu sais que j'ai regardé le match, franchement, c'était pas joli à voir pour Nantes. Non, mais d'accord, mais les Nîmes sont vraiment nuls. Oui, mais enfin, c'était pas joli non plus du côté de Nantes. Ouais, d'accord, mais enfin bon. Metz-Marseille, un partout, fin de série pour Marseille. Ouais, voilà, qui sauve les meubles, qui était mené, ouais, il fallait bien que ça s'arrête un jour. Nous le disait donc Nantes qui a battu Nîmes, Reims a été battu Toulouse, et Toulouse qui s'enfonce encore. Ouais, Toulouse qui sera, je l'ai dit tout à l'heure, hein, l'adversaire de Saint-Privé en Coupe de France, et qui jouera donc à Saint-Privé au Grand Clos. Hein. C'est bien ça, rencontrer Toulouse, c'est le bon moment, je pense. Ouais, c'est le bon moment, oui. J'ai bien rigolé, je suis allé faire un petit tour sur leur site, sur leur page Facebook et leur site. À Toulouse? À Toulouse, ouais, au TFC. Et en fait, les supporters déglinguent l'équipe. Ils y croient pas du tout, ouais. Ah non, mais ils ont dit, de toute façon, on va encore perdre là-bas, on est foutu de perdre là-bas. C'est fou, ouais. Ils sont pas du tout confiants, les mecs. Ils rigolent, ils le font avec humour aussi, je pense, un peu moins. Ah, pas tous, peut-être. Et avec provocation aussi, pas mal. Mais alors justement, à Saint-Privé, comment ça va se passer? Il y aura un parquage pour les visiteurs? Comment tu vois ça? Je ne sais pas du tout. Pour l'instant, j'ai pas encore. Je vais les voir dans 2 jours là, à Saint-Privé. Toulouse, ouais, ils vont peut-être pas venir à beaucoup. Mais quand tu vois ce qui s'est passé là à Toulouse ce week-end, là, où ils sont allés vers le président. Les mecs, ils tapent un déplacement au mois de janvier à Saint-Privé pour aller. Ah bah il y en aura, c'est sûr. Il y en aura, c'est certain. Par contestation, ils savent que ça va jouer à Saint-Privé, qu'il y aura pas de parquage comme dans les grands stades. Ils vont venir. Mettre derrière une main courante dans un parquage avec des barrières. Et puis il va falloir des agents de sécurité. Ouais. Ça c'est clair. L'autre jour en Coupe de France, ils étaient pareil, ils avaient une espèce de parquage, mais ils avaient tout le long du terrain. Ils étaient comme à Lens, en face. Ouais, c'est vrai, tu le disais, à Toulouse, ça a été très chaud. Sadran a même proposé de rembourser les supporters qui souhaitaient se faire rembourser leur abonnement sur la deuxième partie n'importe de quoi. Saison. Ouais, c'est incroyable. Ça va loin quand même. Ils sont mous du genou, moi à Toulouse, j'y étais des années. Hein. Ils sont mous du genou et là, pour se fâcher, il y a du monde. Mais c'est pas un club, ça, c'est un nouveau rigolé. Et j'aimerais bien que ça privé les sorte sans rire. Ouais. Je vais dire, ça me plairait. On continue. Ça peut-être mieux qu'il soit sorti en Coupe de France, hein, comme ça, moi, ça. Ouais, ça va régler. On continue avec, rapidement, Angers-Monaco et Brest-Nice 0-0. Bah, c'était magnifique samedi soir. Hein. Il y a eu Amiens-Dijon, un partout. Il y avait beaucoup plus de buts. Enfin, en tout cas, voilà, il y a 2-3 ans, il y a plus de buts. Des journées comme ça, c'était rare. Mais là. Il y a eu 4 buts samedi soir, hein, sur 5 matchs. C'était incroyable. Dimanche, ça a pas été beaucoup mieux, sauf pour Paris, mais sinon, Strasbourg qui a été gagné à Bordeaux 1-0. Ouais, bah Bordeaux, ils sont irréguliers. Mais très irréguliers, ouais. Rennes qui a battu Lyon 1-0. Alors, Lyon qui a perdu gros, on le disait, qui a perdu le match. Ça, c'est très gros, là. C'est vrai, mais surtout qui a perdu 2 joueurs importants. Oh là là. Et des blessures, les croisés pour les deux. 6 mois chacun. Et ils seront absents, c'est fini, la saison est finie. Hein. Voilà. Concrètement. Oh non, là, pour toi, tu penses ça comme ça, moi je pense pas ça comme ça. La saison est finie ? Non, je pense pas qu'elle soit finie la saison. Non, je parle des joueurs. Pour les joueurs, oui. Non, je parle des joueurs blessés, pas de Lyon. Ah bah, 6 mois, ils reviendront pas, mais non, pour Lyon, c'est pas fini, mais pour la Ligue des Champions, on en a parlé, ça va être très compliqué. Lyon, pour le championnat. Il faut aller chercher les places européennes, ça va être, ça va être compliqué quand même. Hein. S'ils s'appuient sur leurs jeunes, ils ont quand même une belle équipe de jeunes. Ils ont un bon. Ils peuvent, mais avec Garcia, on sait jamais, on sait pas ce qu'il va faire. Voilà, lui, c'est n'importe quoi aussi. Lui. Mais bon, voilà. Et enfin, victoire de Paris à Saint-Etienne. Bon, bah, normal, Neymar, Mbappé, deux fois Icardi. Avec un superbe feu d'artifice. J'ai pas remonté un projet avec un jeune entraîneur sur la durée, avec plus de contenu, de fond de jeu, enfin dire voilà, bah, avec une philosophie, ça peut prendre du temps, 2-3 ans, et non, ils ont voulu prendre un mec efficace tout de suite, qui a un peu une culture de jeu pas très élaborée, je trouve ça, moi ça me surprend. Oui, moi aussi. Par exemple, avec le stade, ils ont pris le risque de perdre de l'argent pendant quelques années. Ouais, mais tu peux pas. Ils le font pas sur le sportif. J'allais te le dire, sur le sportif, côté sportif, tu peux pas te permettre ça. Hein. Bah si, avec enfin, si tu peux te le permettre, mais eux, ils veulent pas se le permettre en tout cas. Oui, on voit que c'est sur plusieurs années, sinon il aurait déjà dégagé. Oui, mais comment il va faire, Jean-Michel, pour te dire qu'il a fait 12 huitièmes de finale en 16 participations. Mais pour moi, il a fait une erreur de séparer Genesio, il fallait tenir tête. Hein. Ouais. En disant, voilà, le projet, c'est d'intégrer nos jeunes, avoir une équipe issue du centre de formation. Avec un stade qui te rapporte de l'argent, tu peux construire un sacré club. Le projet, il n'est pas con. Hein. Surtout que son stade, moi, je l'ai encore jamais vu, mais j'ai des échos par mon fils qui va régulièrement. Il est construit très, très intelligemment. Il y a des boutiques partout. Super, hein. Tu y es allé déjà, non? Ouais, j'y suis allé une fois. Ouais. Ouais, il paraît que c'est génial là-bas. Il y a même des portes, ça ferme en fait, donc il n'y a pas de courant d'air. Tu vois très bien. Tu es obligé de passer par les. C'est marrant, c'est bien fait. Tu es obligé de passer par les. Comme aux États-Unis, tu es obligé de passer par la boutique pour rentrer dans le stade. C'est ça, ouais. C'est malin. C'est bien desservi, t'as des immenses lignes de tram qui arrivent. C'est bien foutu. Il t'a monté ça vraiment, il paraît qu'il n'y a pas de problème de stationnement, il t'a posé ça vraiment très bien. Non, c'est pas Bordeaux, quoi. Ah, c'est pas Nantes non plus, hein, je te rassure. Ah ouais, bah, j'imagine. Mais Finlande, c'est un vieux stade. Après que ce soit pas conçu par rapport au transport, on peut l'admettre. Bon, mais même pour le stationnement autour, c'est un vrai bazar. Est-ce que t'as déjà été à Marcel Saupin, toi qui aime bien Nantes? Oui, je suis déjà allé à Marcel Saupin. Il joue toujours là-haut. Et ça joue toujours, c'est la réserve qui joue là-bas. Il est féminine aussi de temps en temps, mais la réserve. Ville au bord de la Loire, et puis il y a des immeubles maintenant autour. Il y a des immeubles, c'est des bureaux qui sont sur le côté. Ah, c'est super beau ce qu'ils ont fait. Et il faut savoir que Saint-Privé, il y a 2-3 mois. Ils jouent dans le même championnat. Ils ont même la même poule, d'accord. Ils étaient là-bas il y a 2-3 mois. Ah, c'est un super endroit pour jouer au foot. Et ils ont failli gagner, ils ont fait un partout, je crois, ils menaient 1-0 jusqu'à la dernière minute, Saint-Privé. D'accord, ah, bon, bah, écoute. Voilà. En tout cas, oui, c'est un super stade. Ouais, c'est beau, hein. C'est vrai. Le classement Ligue 1, avant de pronostiquer pour finir. Paris est leader, ouais. Évidemment, 42 points. Téléphone fixe, donc ça coupe plus tard. Pardon ? J'ai un nouveau téléphone fixe, donc ça ne coupe plus. Ah, magnifique. Ah, magnifique. t'as investi. C'est Noël, bientôt, ça se sent. 42 points pour le PSG. Marseille, deuxième, 35 points. Lille est 3ème, 31 points. Rennes, Nantes, Reims, Bordeaux, Lyon 8ème. Monaco 9ème, égalité avec Lyon finalement, avec un match en moins pour Monaco, hein, face à Paris, qui sera joué le mois prochain. Et puis en bas, on a Amiens 17ème, Metz 18ème, Nîmes 19ème et 12 points aussi pour Toulouse qui est dernier. Et on le disait, 8 défaites consécutives. Jusqu'où vont-ils aller? La question qu'on se pose. Où vois-tu Bordeaux toi en fin de saison, Jérôme? Moi 5-6, hein. Moi je trouve voilà, Bordeaux, ils ont fait peut-être le choix de prendre le temps sur le sportif. Bah, je pense que c'est pas idiot. Hein. Bah, je pense qu'il faut pas donner d'urgence quand t'as pas les moyens de. J'aime beaucoup le discours du coach. Moi, je trouve que c'est bien. J'ai vu une vidéo là dans le vestiaire avec le discours du coach, c'est un super discours, j'ai aimé beaucoup. Bah, il paraît que c'est pas mal, ouais. Ouais. Ils ont des problèmes en interne aussi, ça risque de. Mm-hmm. Les supporters, ils sont remontés contre les actionnaires, parce qu'ils ont été rachetés par des fonds de pension, des machins, donc les mecs sont un peu perdus. Donc c'est ça qui peut mettre un peu le bazar, c'est comme Lyon, quoi, finalement. Mais après, voilà, s'ils sont 5-6, c'est bien comme saison. Par rapport à l'an dernier, ils ont été vraiment transparents. Cette année, c'est cohérent. Bon, ils perdent des matchs, mais voilà, ils sont pas ridicules, quoi. Ouais, c'est ce que je disais en début de saison, quand on parlait de Nantes et que Nantes était deuxième, j'ai dit, attendez, ils vont pas rester deuxième, c'est pas leur place. Leur place, ouais, c'est entre. Non, tu vois, ça va se régler à la fin. Entre 5 et 10, c'est nous, on est entre 5 et 10, c'est bien, on est parfait, on est très bien. Ah oui, c'est ça. Si c'est pour aller jouer une Coupe d'Europe et puis faire ce que font les clubs français tous les ans, ça sert à rien. Si on y va, qu'on est compétitif, ok, mais sinon, je vois pas l'intérêt. Quand t'es une RN, ça sert à rien d'y aller. Ouais, mais. Ouais, je sais pas. Pronostic. Mais en même temps, c'est-à-dire que t'as bien réussi ta saison, alors c'est un peu. Oui, mais c'est quand même dommage de pas la jouer. T'es envoyé du coup, coup là, mes pronostics comme ça. Ah, j'ai pas fait gaffe. Bon, ben, je vais te les redonner, mais. Oui, alors, déjà les résultats de la 18ème, bravo Jérôme, 7 points. Ah, bah oui, j'ai vu que j'avais gazé. 4 contre 4. Bah, évidemment, fallait pas mettre victoire à domicile, j'ai mis que ça quasiment. Le 4-1 du dimanche soir en plus. Et demain, j'ai pas passé loin. J'aurai un demi-point. Donc, ouais. Tu donc, un point après la prochaine journée. Exactement, à la trêve, on fera le bilan de trêve hivernale. Et, oh, c'est serré, hein, c'est très serré quand même. Hein. On, comme l'an dernier, enfin, comme tous les ans d'ailleurs. On... Enfin, c'est lui qui tient les comptes, il faut pas oublier. Hein. Donc, à mon avis, c'est très serré. Hein. Ça y est. Eh bien, c'est parti pour pronostiquer la 38e. Non, la 19e, on n'est qu'à la moitié, déjà. Enfin, vu le temps qu'il fait, des fois on se demande, il fait quand même très doux. Hein. Ah oui, il fait très doux. On est presque au mois de mai. Moi, je suis le marché de Noël cet après-midi, les gens qui prenaient des vins chauds, j'ai pas compris moi. Ouais, non, il fait trop doux, il fait des bières. Qui pense qu'il y a encore de l'alcool dedans. Il fait froid, il faisait pas froid du tout, j'étais en sweatshirt. Hein, mais... Non, on a fait vraiment pas froid. Non, c'est pas froid. Eh bien, c'est. Vous savez, le multiplex, tous les matchs se seront joués le samedi à 20h45. Voilà. À partir de là, on est parti avec Marseille-Nîmes pour démarrer. Marseille est deuxième, Nîmes dernier. Et 19ème. Non, c'est Toulouse. Bon, il faut égalité de points avec d'ailleurs exactement la même. Jérôme m'a dit que tout le monde battait Nîmes, donc Marseille. Bah, moi aussi. Hein. Marseille. Jérôme ? Ah, bah attends, excusez-moi, quoi, bah, je suis con. Marseille-Nîmes, Jérôme. Bah, j'ai dit Marseille, c'est sûr. Ah oui, tu m'as dit tout le monde battait Nîmes, donc non. Ouais. Mais... Ah oui, il faut mettre là, faut mettre contre Nîmes, tu mets perdant. Tu cherches pas à savoir. C'est ça. Gagner un match. Pose pas de questions. Ouais, tu te poses pas de questions, Toulouse pareil. On a ensuite Monaco-Lille. Monaco est 9ème, Lille est 3ème. Moi j'ai mis 2-0 pour Lille. J'ai mis Lille. Ouais, mais j'ai... C'est où, faut mettre le score, non, mettre le score. On mettra pour. Moi c'est le Cholalo Cup Cup là. On mettra. Bah on décidera. Hein, pour peut-être Paris ou un autre match si vous voulez. Moi je mets Lille vainqueur aussi à Monaco. Ouais. Ah ouais. Oui, oui. Tiens les gars, bon, je vais mettre Mathieu moi. Monaco va mieux quand même. Mais bon. Est-ce que de là à gagner et contre Lille, je suis pas sûr. Rennes-Bordeaux, le prochain match. Rennes est 4ème, Bordeaux est 7ème. Rennes, ils sont en forme, moi je vois Rennes. Moi j'ai mis Rennes. J'ai mis un partout. Match nul, Sylvain, Rennes pour toi, ouais, Christophe. Moi je mets Rennes aussi. Ouais, je vais vous suivre sur Rennes. J'ai pas envie de les mettre parce que j'aime pas Rennes. Mais... Non mais ils sont pas mal Rennes, c'est vrai. Ils viennent de battre Lyon. Ils jouent bien, ils ont bien joué en plus contre Lyon, donc je vais mettre Rennes. Nantes-Angers. Nantes est 5ème. Le derby. Angers, je cherche Angers, ils sont 10ème, toujours à la moitié. Nantes pour moi, qui sur une belle série de 2 victoires. Enfin, c'est pas énorme comme série, mais ils viennent de démarrer une belle série. Non, mais il n'y a qu'une défaite sur les 5 dernières rencontres, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Nantes pour moi, ouais. Ouais, Nantes, moi aussi. Christophe ? Ça ne trouve pas le match, attends. J'attends Jérôme et après je répondrai. Nantes. Nantes, ouais. Et moi, je vais match nul. Ah bon, match nul ? Oui, moi, je vais match nul. Ah, c'est pas mal, ça, finalement. Parce que ce match-là, c'est un derby. Avec un derby de Nantes, ça joue souvent sur un match nul. Et ça, là, il y a du derby. Les mecs, ils viennent avec les couteaux. Bah, il y a 50 km entre les deux, quand même. À l'époque, les mecs, ils se tiraient des bombes. Il y a 50 bornes, non, mais c'est un club de... C'est un derby, donc tu nous fais rigoler, Christophe. Eh ben, d'accord, on va rigoler, alors. Si jamais on fait match nul, Jérôme, tu vas t'en rappeler. C'est pas un derby, il n'y a pas de... Il y a 50 bandes entre les deux. Antagonisme entre les équipes, ils ne se sont jamais rencontrés. Je t'ai pas parlé que c'était chaud, je t'ai dit que c'était un derby, c'est 50 bandes entre les deux. Non, mais un derby, si tu le dis, c'est que ça sous-entend quand même quelque chose quand tu le dis. Rappelle-toi l'année dernière, alors je vais te rappeler un petit peu, je vais te rafraîchir la mémoire. Rappelle-toi l'année dernière, les Nantais qui sont allés craquer des fumis à Angers, tu t'en rappelles ? Ils sont pas allés là-bas comme ça innocemment, les mecs de la Brigade Loire. C'est débile. Oui, mais on est d'accord que c'est débile, je suis pas là pour juger ni quoi que ce soit. Là-dessus, je suis complètement d'accord. Mais où est-ce qu'ils sont allés les craquer ? À Angers, pas à Rennes, bizarrement. Bon, on continue. Reims-Lyon. Reims-Lyon, Reims-Lyon, Reims-6ème. Il y a Lyon-Laval. C'est un derby. Et tiens, je savais qu'il allait en chier. Reims-6ème, Lyon, 8ème. Le derby Reims-Lyon, Jérôme, tu mets quoi ? Lyon. Moi, je mets Lyon. Reims-Lyon, Moi je mets Reims. Moi je mets Reims aussi. Ouais. Pardon ? Ouais. Jérôme ? Reims-Lyon ? Ah j'ai mis quoi moi ? Ah j'ai mis Reims aussi. T'as mis Reims ? Tout le monde met Reims les gars ? Ils sont pas bien Lyon. Hein. Ah ouais, ouais. Avec les deux blessés là ça va faire mal. Ça va être dur. Hein. Ouais, mais Reims c'est pas. Et Reims c'est 6ème quand même. Tranquille. Vas-y Reims. C'est combien Reims ? Ils sont 6ème Reims. Ah mais ils sont super chiants à jouer. Ils sont bien pas Lyon. Ils sont costauds à domicile. Hein, je vais mettre match nul finalement. Sur Reims ils ont battu Lyon. L'autre ça y est, ils sont changés. Non mais vous me donnez de bons arguments. Strasbourg-Saint-Etienne. putain, quel con. Ça va être un match. Strasbourg-Saint-Etienne. 13e contre 11e. Ah, c'est Strasbourg pour moi. Oh, je sais. Quoi? Strasbourg-Saint-Etienne. Strasbourg pour moi. Ouf. Pour moi aussi. Strasbourg. Saint-Etienne, ils sont nuls. D'accord. Saint-Etienne à l'extérieur. Toi, Saint-Etienne à l'extérieur. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils peuvent gagner, mais franchement, Saint-Etienne, ils font pas une bonne saison. Ne dis pas le contraire. Non. Je t'ai rien dit là-dessus. Puis ils ont fait une campagne européenne. Non, moi je vois un peu l'inverse de vous parce que je vois vos résultats, les gars, et je me dis, bon, si je veux. Alors, Jérôme, tu mets beaucoup de victoires à domicile, mais ça va peut-être être comme la semaine dernière. Ouais, mais enfin, ça fera pas deux semaines comme ça d'affilée. Si non, bah non, je pense pas quand même. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. C'est des équipes qui vont gagner deux fois, quoi. Ouais, oui. Montpellier. Brest. Montpellier, 12e. Brest, 15e. Ah, bah moi je mets Brest, j'adore Brest. Bah, c'est pas mal Brest cette année, un match nul pour moi. Ils ont le meilleur attaquant de la Ligue, hein. Charbonnier. Jérôme, Sylvain, Montpellier. Lionel Charbonnier, non? Montpellier. Ouais, Montpellier. C'est bon, mais c'est un bon joueur d'appui, remise, jeu de tête. Techniquement, il est très bon. Moi, je l'ai vu sur un match, il fait un centre parfait. Bah, meilleur buteur de Ligue 2 l'année dernière, non? Il avance pas. Les mecs, franchement, premier quart d'heure, ils mettent 3 ballons en profondeur, il n'a chopé aucun. Il avance pas le temps qu'il démarre. Le mec, il a le temps de faire ses lacets, quoi. Je vais mettre Brest, allez. Moi aussi. Ben ouais, c'est toi qui gagne. Nice, Toulouse, Nice 14e, Toulouse dernier. Je sais pas savoir. Est-ce que Toulouse va enchaîner un 9e revers? Oh, mais Toulouse, il serait capable de gagner Nice. Et puis, le problème de Toulouse, c'est qu'ils ont déjà changé d'entraîneur. Ouais, est-ce qu'ils vont changer? Nice, c'est pas terrible non plus, hein, les gars. Ouais, moi, je vais mettre match nul. Ouais, c'est pas mal, Sylvain, ça. Moi, je vois bien un 0-0. Et je vais te suivre aussi. Ouais. J'aurais bien mis Toulouse à l'extérieur. Ils vont bien finir par regagner. Hein. Ah oui, justement. Ou arrêter la série. Non, Nice à domicile. Jérôme? Oui. Nice. Oh là là, y a personne qui n'y croit. Hein. Ouais, mais je pense qu'ils vont arrêter cette série. Ils gagneront pas. Non, ils arrêteront après Saint-Privé. Ouais. Et alors là, monsieur, messieurs, le match ne pas manquer, c'est Dijon-Metz. Dijon 16e, Metz 18e. Ça va donner. Hein. Dit-il en se foutant du monde. Ben, je vais mettre Metz, moi, je vous dis. Dijon. Et ça, c'est un derby, hein, Dijon-Metz. Hein. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est pas loin. Match nul. Allez. Match nul, Jérôme. Oh, je crois que j'ai mis ça. Oh non. T'as mis quoi, tu dis à chaque fois. T'as mis match nul aussi, ouais. Ah, j'ai mis match nul, ouais. Ah, il a vu que c'était un derby, c'est pour un ça. Derby, hein. Et enfin, Paris, Amiens. Paris, bien sûr, est leader. Amiens 17e. Ah là, c'est un derby, c'est pas loin, Paris et Amiens. Hein. Bah ouais, c'est pas loin. Le score. Moi, j'ai mis 6-2. Ah ouais. Ah, il faut le score, là. Ouais, on va le mettre là. Ah ouais, Et tu dois pas être loin de la vérité. Hein. Bah, je pense. Bah, 5-0, moi. Bah ouais. Hein. Et ils vont finir l'année en beauté. Hein. Ouais, 5-1, pour moi. Ouais, pour peut-être qu'ils ont victoire de Paris, 5-1. C'est là, 4-0. Ouais, c'est pas mal aussi. Ah, c'est vrai. Il a peut-être encore raison quand même. Et il a bien gagné 1-0. C'est quand même une. Comment dire l'unanimité sur la victoire de Paris. Ah bah heureusement, ah, bah, contre Amiens, c'est quand même malheureux. D'ailleurs, il y a que ce match-là, on est tous d'accord. Hein, parce que tous les autres. Ah, si, et puis Marseille aussi, on est tous d'accord. Mais c'est tout. Ouais. Bah, les deux premiers en fait. Alors, tiens, juste par curiosité, me dis pas que Paris-Amiens c'est le match du dimanche soir sur. Non, mais c'est tous les matchs samedi, c'est le multiplex. Ah, ouais, c'est tous ensemble. Bah ouais, écoutez, Sylvain, je l'ai dit tout à l'heure. Il n'écoute pas, Sylvain. Tu mets à la place. Il n'y a pas d'autres gros matchs. Hein. Non, bah non, il n'y a rien. Non, mais bon. Non, il n'y a rien. Oui, s'il y avait eu un match, ça aurait été celui-là. Non, tu peux mettre Rennes-Bordeaux ou Monaco-Lille. Oui. Ouais, Monaco-Lille, à la limite, ouais. Mais je pense que PSG, c'est quand même ce qui est le plus attractif. Ouais. Je suis pas sûr qu'un Paris-Amiens ça soit super à regarder. Enfin, bon, ah, tu vois des buts. Ouais, tu vois des buts. Non, mais t'as des supporters. Enfin, les mecs vont regarder. Ah, la plupart des gens, ils regardent Paris, ils ne cherchent pas à savoir. Hein. Ouais, bah c'est triste. C'est le match, ouais. C'est la plus belle équipe. Oui, ah bah y a pas de mal. Hein. Ah oui, bah y a pas de mal. Mais enfin bon, ils ont encore mis 4 buts ce week-end à Saint-Etienne. Bon, ouais. Bon, bien, nous verrons les résultats. Hein. Samedi, ouais. Du coup. Merci, Ami, c'est intéressant. Oui. N'est-ce pas? T'auras au moins appris que non, Tanger, c'est un derby. Ouais. Non, c'est un derby. Châtellerault, Niort. Allez, on n'est pas si loin que ça. Hein. Ils viennent avec les couteaux et les bombes, je te promets. On n'est pas si loin que ça, hein, si tu savais. Donc pour moi, un derby, sur le premier contact, ça doit faire Tisane de Phalange, ça doit partir. Ah, bah, c'est Nantes-Bordeaux, alors le derby pour toi. Ah, Nantes-Bordeaux, déjà, c'est un peu plus chaud. Bah, ouais, ou Saint-Etienne-Lyon, là, les gars. Saint-Étienne-Lyon, bah oui. Ça, c'est... Tu sais, alors, tiens, justement, tu parles de ça, le Saint-Étienne-Lyon, tu sais quand... Le Lyon-Saint-Étienne, tu sais quand c'est cette année ? Non. C'est... Bah, c'est la semaine d'après le match de Coupe d'Europe de Lyon contre qui déjà ? La Juve. Contre la Juve. Ah ouais. La semaine d'après. Et la Juve doit jouer l'Inter ou je sais plus qui la semaine d'après. Entre les deux ou entre les deux matchs ou après ? Non, c'est après, bah, après, la semaine d'après le match aller. Donc, entre les deux matchs. Ouais. Entre les deux matchs, tu vas te taper un Lyon-Saint-Etienne. Et je crois que c'est un Juventus. Comment Inter. Inter. Je crois que c'est un truc comme ça. Deux gros matchs. Ouais, il y a deux gros matchs. En tout cas, la Juve, ils ont aussi un grand match derrière. Ouais, bon, écoute. Ça va être assez sympa. Pour Lyon. Hein. Terminons avec l'agenda. C'est déjà pas en facilité, mais là, ça devient compliqué. Et ça a donné quoi, le handball, tiens, ce week-end, là, ça rentre. Parce que ça va pas faire. Ça gagne, Victor. Enfin. Ouais, bon, ça va. Enfin. Là, c'était moyen. C'est toujours okay. Moyen. Bah, ça peut pas toujours perdre non plus. Le basket, tu disais ? Non, heureusement. Le basket, ouais. Bah, l'OLB a perdu à l'Asvel, mais ça, tout le monde perd à l'Asvel. Et tout le monde perd contre l'Asvel d'ailleurs, à domicile extérieur. Ah, donc... c'est jeudi qu'il y a un match, c'est ça que je voulais dire, je voulais aller voir le match. Ça rend ? Ça rend ? Ah, je peux y aller, ouais, ça reçoit, rend. Ouais, reçoit. C'est son rêve, on l'avait vu. Bah, ça nous permet de faire l'agenda, du coup, donc cette semaine, qu'est-ce qu'on peut revoir ? Ou aller voir ? En football, on peut aller voir Orléans-Sochaux. Ce sera vendredi soir à 20h. On peut ne pas aussi y aller. Voilà. Si on veut. Ah, si, les ramasseurs de balles de l'étoile. Oui. Ah, tes ramasseurs de balles sont là-bas, d'accord. Ok. De ballon. Ah, de ballon, oui. Pas de balles. Enfin, si. Ça, c'est au tennis. Tu vois la baballe, là, d'ailleurs. Ballon, c'est peut-être pour ça qu'ils n'y arrivent pas. Voilà, ouais. C'est le seul intérêt d'aller à l'USO vendredi, donc c'est ça. Non. Un deuxième intérêt, les gars. Ah. Dis-nous, on t'écoute. Oh mais c'est dommage parce que Mask Singer est terminé, donc c'est dommage. Donc on peut aller voir ou pas d'ailleurs l'USO vendredi soir face à Sochaux pour le dernier match de l'année. Et pourquoi pas prendre 3 points maintenant, ce serait pas mal. Pardon. Faut essayer. Il va être temps. Samedi soir, c'est le multiplex des Ligue 1 pour la 19e journée. Puis à l'étranger aussi, on va jouer ce week-end, puis on va jouer d'ailleurs pour certains pendant la trêve, hein, en Angleterre notamment, et peut-être même en Italie, je crois. Bon, bref. En rugby, c'est le retour du top 14 après deux journées de Coupe d'Europe, et puis bientôt, ce sera Destination. Destination qui vont pas tarder. Au mois de février. À partir de février. Et voilà, donc le rugby, ce sera le top 14 qui reprend. Le basket, on en a parlé. NBA toutes les nuits. Ouais. Avec le soir de Noël, le 25 décembre. Oui. Il y a plein de matchs. Ah bah, tout le temps en fait. Le soir de Noël, t'as un Clippers Lakers. Les deux leaders, enfin les deux. Qui va faire des étincelles. Le leader contre le dauphin. Premier contre deuxième. C'est ça. Ils seront d'ailleurs certainement premier deuxième. Ils seront encore premier deuxième, même si les Lakers s'y perdent, ils ont 3-4 minutes en avance. Oui, donc c'est large. Et Orléans en basket, on parle de JPI, t'as pas d'NBA bien sûr. Pour Le Mans, c'est ça ? Reçoit Le Mans, ouais. Ce sera au Palais des Sports, on l'a dit, vendredi soir. À 20h30. Voilà, bah, le vendredi soir, voilà, on peut aller au basket. Au lieu d'aller voir l'USO et d'avoir ce cahier, bon, il fait peut-être pas très froid, mais... Bon, il fait pas trop froid dedans, mais... Bon. Il y a la salle, déjà. Et puis toute la semaine, des Coupes d'Europe pour tous les autres clubs de Jeep Elite. Moi, j'ai été voir le premier match de la saison contre Portez, c'est sympa, franchement. Portez, oui. Ouais. Vous avez gagné, d'ailleurs. Oui, vous avez gagné leur début. Et handball, on l'avait dit, donc les filles reprennent tranquillement, elles ne reprennent pas avant la semaine prochaine, mais l'entraînement a repris. Du monde, en même temps, elles sont allées tranquillement aussi. Oui, très tranquillement, oui. Lidl Star League, dernière journée de l'année cette semaine. Ça rend aussi, on le disait tout à l'heure, bah, vendredi, jeudi soir. Ça sera pas, je sais pas, mais ça évite d'ailleurs d'avoir tout en même temps, parce que il y aura eu basket, il y aura eu hand, il y aura eu foot. Donc c'est jeudi soir par contre, le hand à Saran, dans la salle du Bois Joli. Mazuka. Non, la salle jeune Jack Mazuka, ouais, désormais. La halle des sports. C'est ça, la halle des sports, Jack Mazuka. Ce sera vendredi soir, jeudi soir, maintenant 20h. Et puis rien à terminer pour le moment. Et reprendra, on le disait tout à l'heure, en février. C'est ça. C'est ça, le 8 février, avec Paris, contre le la réserve. Voilà pour le hand. Et puis cette semaine du biathlon en France, ça fait plaisir. Le grand Bornand. Le programme, il est le programme classique en fait du biathlon. Hein. Le sprint le jeudi homme, le vendredi femme, les poursuites samedi. Et la première master derrière de la dimanche. Avec les hommes d'abord et les femmes ensuite. D'habitude, c'est plutôt l'inverse, mais en France, on a décidé d'avoir les hommes et enfin les femmes. Ça va être sympa en France. Et puis, bien évidemment, il y aura du ski alpin. Et après, une victoire de Alexis Pinturo, on espère un autre Français qui gagnera cette semaine. Ce sera toute la semaine. Il y a 4 courses d'ailleurs au programme, des slaloms géants, des descentes, des super géants. Voilà, il y a plein de choses. Et bientôt aussi le Paris-Dakar qui va démarrer. Ben oui, déjà. T'en as pas parlé tout à l'heure, mais ça m'est revenu. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, ce sera quand Normalement, ça débarque le 1er janvier, normalement. Je sais pas si c'est encore le 1er janvier maintenant. On revient par ici. Ouais. On n'est plus en Amérique du Sud. On revient où exactement? En Afrique du Sud? En Amérique latine, au Pérou et compagnie. Ah, mais c'est fini, ça. D'ailleurs, on vient en Afrique du Nord, non? On est complètement perdu, c'est Paris-Dakar, on sait même plus où on est. En Afrique du Sud. Ah, d'accord. Et peut-être que je dis une bêtise. Non, mais on en reparlera, mais peut-être, oui. C'est pas tout de suite, mais. Cette année, c'est au Qatar, comme la Coupe du Monde. Ils font tout au Qatar. Ouais, ils font un tir groupé. Et tiens, juste, on a une petite seconde, on n'a pas beaucoup. En fait, en parlant de Qatar, juste un truc. Tu as vu, Rémi, l'image du joueur qui a joué les qualifs dans un tournoi au Qatar? Qui n'a pas marqué un seul point. Au tennis? Ouais. Ah oui, tiens, 6-0, 6-0, et pas un point. mais pas un jeu, mais pas un point. Donc il n'a jamais 15-0 sur son engagement, par exemple. Jérôme, toi, le tennisman, t'as dû regarder ça. Non, mais c'est fou comment il a pu arriver. En fait, il disait c'est qu'il y en a qui se désistent et puis le mec il rentre dans le tableau, enfin dans le tableau de qualif, et c'est souvent, il y a un Français aussi Le mec a pas pris un point, il a fait un match au Qatar là, en tournoi de qualification, il a pas pris un point, il a pris 2x6-0 sans mettre un point. Mais pas un seul point. Hein. Ah parce qu'en fait, je pense que tu peux t'inscrire. Oui. Si t'es inscrit. Pas challenger, les futurs. Bien, le tennisman professionnel, mais bon, il faut vraiment réussir à gagner des matchs. Et tu es dans le futur, et en fait, t'as des joueurs qui s'engagent, puis finalement ils se désistent, et puis eux, ils en profitent. Il y a un Français qui fait ça, qui est spécialiste aussi, il dit qu'il prend valise sur valise, mais bon, pas tant pis, il va jouer. Et son rêve, c'est de jouer Roland Garros un jour. Mais... Son gars, non, c'est pas ça. Son gars. Juste une toute petite seconde, on a parlé tout à l'heure des Jeux. Les Jeux Olympiques, on parlait du foot aux Jeux Olympiques et on parlait de Karim Benzema. C'est ça que tu disais Oui, exact. Karim Benzema, et on sait que Deschamps n'en veut pas, mais on parlait de Karim Benzema, pourquoi pas aux Jeux, puisque Sylvain Ripoll est potentiellement peut le sélectionner. Ouais, enfin, il va falloir qu'il vienne. Il a le droit à 3 joueurs, plus de 23 ans, on le rappelle. Tu vois vraiment Sylvain Ripoll se fâcher avec. Je pense pas. En tout cas, Noël Le Graët a dit qu'il est sélectionnable. Il est sélectionnable. Hein. Le Gret, il l'a dit, il est sélectionnable. Enfin, le Gret, il raconte tellement de conneries que je pense qu'il. Ouais, moi j'aimerais bien, hein, mais si tu te mets à la place de Ripoll, c'est impossible. Oui, tu te mets en contradiction avec Deschamps. Il va pas se mettre Le Gret et Deschamps à dos, quoi. S'il est un peu malin, le gars. Mais je suis pas sûr que ça soit cet effet-là. Hein. Je sais pas. Compliqué. Et en revanche, celui qui a envie d'y aller et qui sera peut-être, c'est Kylian Mbappé. Parce que lui, il a même pas 23 ans de toute façon. Mais par contre, Deschamps, lui, il est plutôt d'accord. Mais il faudra voir avec Paris, bien sûr. Parce qu'en enchaîner l'Euro et les Jeux, je suis pas sûr que Paris soit d'accord. Hein. Revoir son joueur complètement cramé au mois de fin juillet. Enfin, même pas, parce que les Jeux Olympiques, c'est au mois d'août d'ailleurs. Moi, perso, je ne me préviendrai pas du joueur. Hein. Je sentrais le coup. Hein. Les gars, si tu leur dis, voilà, il y a Benzema qui vient jouer avec vous, ça peut vous faire gagner. Surtout, ça fait combien de temps qu'on n'a pas joué les Jeux Olympiques au foot? Parce que pour le faire, il faut aller faire l'Euro, puis on le faisait jamais. Et ça fait combien de temps qu'on a gagné l'or? On a dit 84, la dernière fois. Ouais, j'allais dire les années 80. 84. Ouais, ça va être ça. Je pense, hein, ça doit être un truc comme ça. Ouais. Bah oui. Bah on en gagnait plus, qu'on n'y allait plus. Donc c'est ouais, tu peux chercher, je pense que c'est 84. Non, mais c'est ça, c'est sûr. Avec la même année, on a gagné le championnat d'Europe des Nations avec Michel Platini contre l'Espagne, et on gagne 2-0 en finale. L'Arconada. Médaille d'or 84, ouais, c'était en Californie, aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Ouais, Los Angeles. Ouais, c'est ça, Californie. Ouais. Ouais. Bah, écoute, peut-être, on verra. Hein. Là, il va tuer qui d'ailleurs? Je sais même pas. Brésil. Ouais, il me semble. Ah ouais, d'accord. Ah oui, le Brésil de Dunga. Ah ouais, tiens. C'était 100 000 personnes. Pff. Le stade. C'est rien, ça. On ne voit plus ça maintenant. C'est ce qu'on a à la source. Ça plus tu parles. Bon, ben voilà pour cette petite parenthèse Jeux Olympiques. Et c'est vrai qu'au foot, on n'en parle pas beaucoup des Jeux Olympiques, mais Ça n'est. Et puis, tant que t'es en train de parler des Jeux Olympiques, moi, je sais pas s'il écoute à cette heure-là, s'il en a pas encore. Oh non, il sera pas couché. Il fait un peu la java. Mais j'en profite pour passer un petit coucou à notre ami Rémi Boulet. Oui, qui lui fera certainement les Jeux Paralympiques. Il y a des grandes chances. Ah oui. En tout cas, je le vois sur ses vidéos, là, quand il balance des vidéos, je peux te dire qu'il se prépare. Hein. Musculairement, philo, top. Il est top. Ah ouais. Ah, il va manger, mon gars, je vais te dire que faut pas prendre une claque. Hein. Et ben, on le suivra à Tokyo, bien sûr. Et puis après, en France, peut-être qu'il y sera. Peut-être qu'il sera plus, je ne sais pas. Bon, je pense qu'il aura encore des chances. Décidé, mais... ouais. Très bien, je vous récapitule pour finir les directs de la soirée, puis on va se quitter. 3 battus, Guingamp 1-0 pour la 18e journée de Ligue 2. En Angleterre, première Ligue 17e journée, Crystal Palace, Brighton 1 partout. En Italie, la Lazio a fait le coup de poker en fin de match, 2-1 à Cagliari, mené toute la partie. Et puis au Portugal, victoire du Sporting à Santa Clara 4-0 et le FC Porto a battu Tondela 3-0. Et Porto revient à 4 longueurs du Benfica qui est leader toujours dans cette Liga NOS portugaise. Voilà pour cette émission, il est déjà minuit passé, ça faisait très longtemps qu'on n'est pas fini à minuit, mais ça arrive. Ah, t'as vu comme t'es bavard aussi. Et on n'avait pas dit qu'on finirait de bonne heure en début d'émission. On avait dit qu'on finissait à l'heure, mais on l'a pas fait. Jérôme, merci. Tu l'as pas fait, Mirance. Tu veux choisir le dernier titre? Qui va bien, c'est bien. Puisque vous avez chacun choisi un titre, les garçons, Jérôme, tu vas choisir le dernier. Je sais qu'il aime bien Coco Caline, je sais plus comment il s'appelle. Julien Doré, c'est fini ça. Ah, il aime plus Julien Doré. Si, je te laisse choisir en attendant. Je remercie. Je sais pas s'il nous écoute toujours, mais Fred Chaumont qui était avec nous ce soir. Ouais, merci beaucoup. Un des coachs du HBCSJien. Merci à lui. Et puis, on espère qu'il sera avec nous prochainement, puis que, pourquoi pas, on sera sur place, un de ces quatre. Et puis qu'on commence à gagner des matchs aussi. Oui, ça serait bien. C'est une bonne idée. Sylvain, merci d'être passé ce soir. Merci à toi. On se reverra sur peut-être par téléphone plutôt la prochaine fois. Et ouais, j'essaierai de revenir. Et puis quand t'es dans le secteur en studio, Christophe, merci. Mais écoute, avec grand plaisir. Passe quand tu veux avec Sylvain. Et puis Jérôme, je te laisse donner ton dernier titre. Je dis un petit merci aussi à Florent. Avec Angèle, avec Balançon, quoi. Ah bon, là. Ah, Balançon qui ton quoi. Oui. Hein comment. Donc, tu disais merci à Florent qui nous écoute toujours. Oui, qui nous écoutait encore tout à l'heure, parce qu'il m'a mis un petit message là, et qui me disait qu'il nous enverrait le podcast dans la foulée. Vous avez dit à minuit qu'il serait en ligne, ça va être compliqué, puisqu'il est déjà minuit passé. Il a dit qu'il enverrait le podcast. Ce sera plutôt demain matin. Bon, oui, ce sera demain matin, c'est pas grave. On en trouvera demain matin un podcast sur le Facebook. Et merci à lui pour son travail. Merci pour tous ses enregistrements tous les lundis. On se quitte avec. Donc Angèle, bonne semaine à vous. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour l'avant-dernière de l'année. Ce sera par contre à 19h30 puisque Manu est en vacances. Et il souhaite bonnes vacances. Bon, il ne nous écoute plus, je crois, ce temps-ci, mais en tout cas, il est en congé. D'ici là, passez une bonne semaine. Passez une bonne nuit déjà. Et vive le sport. Et vive le sport, c'est arc-en-ciel. Et ciao, bye bye. Salut Jérôme. Salut. Salut. Salut tout le monde. Salut Sylvain. Salut Christophe. Ciao, bye. Parle mal 2018. Je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah, faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Fallait te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi. Le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Fallait te faire en oui, je serais poli pour la télé. Mais va te faire en